Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippee-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 49, ouais, 49, on approche du gros 50 et officiellement, on a dépassé le nombre d'épisodes d'Horreur Gamer. Mm-hmm. Horreur Gamer qui a donné naissance, en quelque sorte, au bras de fer, parce que j'avais tellement de fun sur Horreur Gamer que j'ai décidé de faire un autre podcast, puis on est rendu qu'on a fait plus d'épisodes. Fait que, ben voilà, ouais, c'est notre épisode Time Out. Pour ceux qui tomberaient là-dessus par hasard pour la première fois, l'épisode Time Out, c'est nos épisodes, c'est comme des pauses qu'on prend entre les épisodes réguliers, où est-ce qu'on parle d'un peu n'importe quoi, on parle de tous les films et les séries télé qu'on a vus récemment, qui n'ont rien à voir avec nos épisodes réguliers. Mon nom est Jean-François Tremblay, et en ma compagnie, le toujours passionné et amateur de Noël, Steven Lefrançois. Salut Steven! Salut, JF! Oh, oh, oh. Pour ceux qui ne voient pas, Steven a une belle tuque de Père Noël. De lutin. De lutin, oui. L'Halloween est déjà terminé, que je suis triste. Fait que je me suis dit, je vais tout de suite me mettre en mode Noël, vu que Krampus, du réalisateur de Trick or Treat, s'en vient pour le temps des fêtes. Je suis vraiment excité. On a pareil notre film d'horreur de Noël. Fait que... Puis il sort quelle date, lui? Je dis ça, puis je suis même pas certain, mais si logiquement ça y va selon le temps, ça devrait être au mois de décembre, selon moi. Ouais. Je pense que c'est le 11 décembre ou quelque chose comme ça. Tant que c'est pas contre Star Wars, ça va être correct. Hein? Ouais, c'est vrai que... Quoique, les billets sont tellement tous vendus d'avance pour Star Wars que les autres personnes vont aller voir ça. Ouais, ouais. Mais j'avais pas allumé sur le coup qu'ils vendaient les billets d'avance tant que ça. Je me disais quand même que je pourrais aller au cinéma le voir le film. Finalement, il n'y a aucun moyen d'aller le voir. C'est pour la première fin de semaine les billets d'avance ou bien c'est pour. Ouais, je pense pour la première fin de semaine. Mais honnêtement, c'est apparemment c'était battu des records. C'est du jamais vu en termes de vente de billets. Fait que moi, je me suis déjà mindé que je pourrais pas le voir la première fin de semaine. Puis tant qu'à aller là, puis que ça soit le gros bordel, trop de monde, gars, je vais attendre. 2-3 semaines, je vais aller le voir. Puis si je réussis, je suis là à parler comme ouais, 2-3 semaines, rien là, je suis capable d'attendre. T'sais. Non, j'ai pas envie de me faire spoiler tous les détails. Fait que je vais m'arranger pareil d'essayer de le voir le plus rapidement possible. Mais j'ai hâte. Oui, oui, moi aussi. Mais c'est ça, j'étais pas. J'ai comme manqué l'annonce qui vendait les billets. Puis j'ai vu du monde sur mon Facebook qui allait l'acheter. Puis j'étais comme, j'essayais. J'ai pas vraiment cherché à savoir. C'était quoi les détails de la chose, là? Mais j'avais pas compris qu'il faisait quelque chose de spécial, genre vendre des billets d'avance. C'est drôle parce que la soirée même qu'ils ont commencé à mettre en vente les billets sur les sites, tous les sites ont crashé tellement qu'il y avait trop de monde en même temps. Là. Non, les gens sont vraiment trop maniaques. Ça va être spécial puis tout, mais je n'irai pas le voir la première fin de semaine non plus. Bien évidemment, là, j'ai pas de billets, mais non. Tu dis que les gens sont spéciaux, mais ouais, les geeks sont parfois malades mentales. Pas que je suis en train de viser quelqu'un en particulier, là, mais je fais juste voir tous ceux qui font des vidéos ou des textes de théorie sur un trailer de 2 minutes et demie, puis c'est comme, oh, regardez dans le coin, tu peux voir une trace de pas de Chewbacca qui est sans doute un traître qui travaille pour le site, là, j'en mets. Mais tu sais, c'est des grosses théories parfois qui ne font vraiment aucun sens. C'est comme, calmez-vous, c'est juste une bonne annonce. Pourquoi essayer de tout deviner là, dans une bande-annonce de 2 minutes et demie. Attendez de voir le film. Sacrifice. Mais je faisais un peu ça avec le trailer de La Menace Fantôme quand ça sortit. Tu sais, je les comprends. Ouais, puis tout ceux qui ont analysé. D'après moi, tous ceux qui ont analysé La Menace Fantôme n'avaient pas vu que ça serait une grosse déception. Mais non, avant qu'il sorte, c'est comme dans le film Fanboys. Tout le monde voulait absolument voir le film, puis il y avait super hâte. Là, on s'en foutait. C'est après qu'on a su, évidemment, que c'était mauvais. T'sais. Non, mais c'est ça. Mais même en faisant une analyse du trailer, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça soit décevant. Ben non. Ce fantôme. Même Jar Binks avait l'air sympathique dans le trailer. Oui. Ben, j'étais juste curieux, je ne les connaissais pas les personnages, j'avais pas assez cherché vraiment à savoir qui étaient les nouveaux personnages, fait que j'étais juste curieux de voir le film. Il y a quelqu'un qui a fait comme une parodie du trailer, puis c'est comme du nouveau avec plein de Jar Jar Binks partout. Ouais, j'ai pas checké, mais j'ai vu que ça existait. C'est drôle. Oui. Ok, Jeff, je vais te faire une confidence. Oui. Faut pas que Chantal l'entende, je veux pas qu'elle le sache, là, c'est privé. Là. Mais depuis qu'on a été voir Jim et qu'on a fait l'épisode, ben j'écoute beaucoup le soundtrack en cachette avec mes écouteurs. Puis Chantal aime toujours pas ça. Ben elle les entend pas, les chansons, fait que je pense pas qu'elle puisse s'habituer. Là, mais les chansons. Sont bonnes les chansons. Sont bonnes les chansons. Toutes bonnes, mais moi j'aime celle du groupe, là, celle de Jam et les Hologrammes. Les autres qui font plus du remplissage, je les aime moins un peu. Là. Mimi, j'aime pas ça. Là. Elle tape ses nerfs. Désolé, Sylvain, je sais qu'il nous regarde en ce moment. Ouais. Je l'aime. Ben, c'est drôle parce que je voulais écouter les chansons en voyant le film. Je voulais les découvrir comme ça. Puis toi, tu avais mis un lien qui montrait des extraits des chansons de Sunshine. Tu me disais. Peut-être que hors contexte, tu vas trouver ça gossant. Fait que je te conseille d'attendre et de les voir dans le film. Puis tu sais, écouter la chanson Mimi en dehors du film en plus, j'imagine pas. Je serais comme ah non, ok, non. Ben, en fait, la vidéo, c'était genre, ça durait 6 minutes. Puis c'était des extraits d'à peu près 20 à 30 secondes des chansons. Okay. Parfois, peut-être un petit peu plus long, mais en général, c'était 20-30 secondes. Puis c'est ça, juste 20 ou 30 secondes de ces chansons-là, ça finit. Je trouvais que ça allait tout pareil. C'était toute la petite pop au même rythme, même genre de truc. Quand tu les écoutes au complet, tu te rends compte qu'il y a des nuances et tout ça, mais quand tu entends ça d'affilée, c'était affreux. J'avais mal à la tête après les 6 minutes. Ouais. Désolé, Sylvain, parce qu'il est en train de nous écouter. Fait que... Ouais. D'ailleurs, si tu peux t'occuper du chat, parce qu'apparemment que mon application YouTube, mon application iPhone me donne du trouble. Mon application de YouTube sur mon iPhone me donne du trouble. En ce moment, je n'arrive pas à répondre au chat. Fait que, d'accord. Si tu pourrais le faire, ce serait génial. Je vais essayer quand même tout à l'heure de pouvoir le faire. C'est ça. On a parlé de Jim. Pour ceux qui n'ont pas, mettons, qui n'auraient pas vu notre dernier épisode, l'épisode 48, portait sur Jim et les Hologrammes. Puis c'est drôle parce qu'on l'a sorti jeudi, le 28, 29. Puis le lendemain, vendredi, moi, il n'était plus à mon cinéma. Là, puis je pense qu'il a disparu de plusieurs endroits. À Montréal, je sais que dans la grande région de Montréal, il est encore à certains endroits. Mais moi, dans mon coin, où j'habite en Ontario, partie de ma petite ville. Pourtant, on a quoi? 14 salles à peu près dans notre multiplex ou 12 salles, tu sais, fait que il y a de la place, là, mais non. Ben, pareil, dans le cinéma qu'on a été le voir, c'est un espèce de gros cinéma avec 14, c'est pas plus de salles, puis il est déjà plus là, mais oui, ça, pourquoi garder dans une salle un film qui amène un client par représentation quasiment, là, à peine, ouais. Là, fait que c'est comme, oui, ça, sont perdants, là, autant mettre un film. Mais bon, ça veut dire qu'il va sortir plus tôt probablement en VOD ou en tout cas sur un des sites que je ne sais plus lequel, j'ai vu qu'il sortait au mois de janvier en DVD Blu-ray. Ah tu vois, c'est Amazon. Tu sais, chez Amazon, tu avais vu qu'il marquait 2020, là, c'était une date par rapport. Là, ils ont juste mis ça pour remplir la case de l'année. Là, tu sais. Je trouvais ça bien drôle. Non, je pense qu'il disait ça. Je trouvais qu'il avait mis 2020 parce qu'il trouvait le film tellement mauvais qu'ils ont décidé de mettre une date le plus repoussée possible. Mais c'est ça, j'ai vu que c'était en janvier. Puis je continue à me dire que c'est vraiment con parce que j'avais vérifié pour la France, parce que je voulais avoir sur l'épisode notre ami Stéphane qui avait participé à notre épisode sur Délivrance. Finalement, il n'a pas pu parce qu'il n'a pas pu voir le film. Puis le film n'est pas sorti en VOD partout dans le monde. Fait que, tu sais, je checkais sa date de sortie en France, puis le film sort dans les salles En tout cas, je ne sais pas s'il va encore sortir, là, mais il est supposé sortir au mois d'avril en France. C'est complètement ridicule de mettre ça genre 6 mois plus tard que la sortie nord-américaine. Tu sais, ça me ferait DVD en janvier, il va sortir en ligne. Ça, puis en plus, il y a des films en France qui sortent directement en vidéo qu'ici on a au cinéma, puis ce sont vraiment d'excellents films, mais ils vont mettre Jem et les hologrammes au cinéma. Tu sais, je l'ai dit, c'est ben, pas, je sais pas, c'est pas c'était avant que le film sorte, j'ai pas vérifié. C'était avant que le film sorte, puis j'ai pas vérifié depuis là, si les dates ont changé ou quoi que ce soit. Mm. Mais ces décalages-là, ça fait juste encourager. Tu sais, je me rappelle que l'Astérix d'Alexandre Astier, qui est sorti l'année passée, il est sorti, ben, comme ça arrive souvent en France, il est sorti genre 6 mois avant chez nous. Quand c'est un film français, mm-hmm. ça fait souvent ça. Puis il était en DVD, ben pas en DVD, mais il était sur les sites de Torrent. J'ai eu vent de ça. Là. Je voyais qu'il était facilement disponible, c'était dans les nouvelles de toute façon. Là, puis, mais c'est ça, il y a des trucs. Non, c'est beau, continue. Ben c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est ridicule ce décalage-là, tu sais, je trouve. T'as-tu entendu toute la polémique? La polémique par rapport à Aladdin qui est sorti en France? Non, ben j'ai entendu dire que c'était mauvais. Oui, que c'était très mauvais, mais il y a eu une espèce de gros scandale, si on peut dire, façon de parler, à cause du site hellociné.com, qui est quand même un des sites les plus connus et qui a la plus grande base de données de films en France. Même au Québec, il y a bien du monde qui utilise Hellociné. Oui. Puis il y a eu des commentaires. des commentaires, tu sais, c'était plein de commentaires 5 sur 5 sur Aladdin, puis les commentaires sont absurdes, c'était comme. Un des plus grands films qu'on n'aurait jamais pu attendre aussi longtemps, le chef-d'œuvre qu'on a toujours voulu en France. Puis c'était vraiment tous des trucs de même, mais ça venait de Hellociné. puis en tout cas, il y avait eu un espèce de gros scandale avec ça, parce que le monde disait que les gens d'Aladdin avaient payé Hellociné ou je ne sais plus trop, puis ça avait fait vraiment de la crochiasse. Tout le monde a commencé à chier là-dessus, puis c'est devenu un running gag. Là. Tout le monde faisait des best-of, des meilleurs commentaires ridicules sur Aladdin. Mais ça m'a donné envie de voir le film parce que c'est vrai que ça a l'air vraiment mauvais. C'est mon Dieu, c'est inconcevable, une adaptation aussi merdique. Là. Surtout que moi, c'est un de mes films d'animation préférés de Walt Disney quand j'étais jeune avec Le Roi Lion, Aladdin. Là. Je l'ai vu par plein de fois. Je pense qu'on n'aura pas le choix éventuellement de faire un épisode sur Aladdin. Spécial Aladdin, oui, on pourrait faire le film original plus cette adaptation-là pour Nana en avait. Je pense que oui. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Sinon, est-ce que tu es prêt à commencer? Oui, j'essayais encore de faire marcher mon application YouTube, mais anyway, peu importe. Si tu es là pour répondre aux commentaires, tant mieux. Oui, ben il y a juste Sylvain qui nous disait « Je vous laisse, je m'en vais écouter Mimi, Mimi, Mimi. Moi, ça me fait penser au petit personnage dans les mopettes. Mimi, Mimi. Oui, comment est-ce que ça s'appelle? Hein? Oui, mais oui. J'étais sûr que c'était lui qui chantait la chanson quasiment. Ah, la série qui passe à la TV, je pense que c'est à ABC, les Mopettes. J'aime bien, j'ai écouté 3 épisodes jusqu'à date. Il y en a 6, je pense, qui ont passé. Je savais pas. Ouais, c'est le fun, c'est quand même pas pire. Ça tourne autour d'un show de variété que Miss Piggy anime, puis elle est divorcée elle est séparée d'avec Kermit, puis là, ben, Kermit, c'est son producteur, puis là, ben, il faut qu'il deal avec ses crises à elle, puis tout ce qui se passe dans le studio à l'arrière du show, puis c'est quand même assez loufoque. C'est comme un show télé-réalité. C'est comme un show télé-réalité un peu avec des entrevues à l'écran, puis tout, puis c'est le fun. J'avais adoré le premier nouveau film qu'il avait fait avec. J'ai complètement oublié son nom, mais c'est lui qui l'avait réalisé, puis ça a tout le temps été un gros fan des Mopettes. Quelque chose. De How I Met Your Mother. Là. Ouais, puis oublie Sarah Marshall. Puis tu sais, c'était drôle parce que dans Sarah Marshall, il y avait une scène où il faisait un spectacle de marionnettes. Ouais. Puis tu voyais que le gars était fait pour faire ça. Puis j'ai beaucoup aimé. Le deuxième film qui avait sorti, je ne l'ai pas écouté parce qu'il m'intéressait juste pas. Je sais pas pourquoi. On dirait que j'ai juste passé à côté du film, littéralement. Mais j'adore les Muppets. Moi, j'ai vu ni l'un ni l'autre, mais je pense qu'ils sont sur Netflix, je crois. Oui, j'avais vu le premier sur Netflix. D'ailleurs, sur Netflix aujourd'hui, le 3 novembre, il est apparu, en fait, sur Netflix américain, je ne sais pas s'il est sur le canadien, je n'ai pas vu ce matin, mais il est peut-être apparu plus tard dans la journée, un film qui s'appelle « Do I Sound Gay? » Est-ce que je sonne gay? C'est un documentaire sorti l'année passée qui, je ne l'ai pas encore vu, ça fait longtemps que je veux le voir parce qu'il en parlait dans un podcast que j'écoute, puis il y avait une entrevue avec le réalisateur. Puis le film, dans le fond, l'idée de base, c'est que, selon certaines personnes, il y aurait chez les gays une façon de parler qui les distingue des autres, une sorte de son de voix ou d'accent ou quelque chose comme ça. Parce qu'il pose la question dans le fond dans le documentaire, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il va demander à différents hommes gays, qu'est-ce que la... Je ne sais pas exactement, c'est, j'ai hâte de voir le documentaire pour ça, pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut, c'est quoi son point de départ, puis, mais c'est ça, je suis curieux de voir ça, puis apparemment que c'est un très très bon film, puis non, c'est ça, c'est sur Netflix américain, Do I Sound Gay, puis moi, c'est, cette semaine, je le regarde, c'est sûr, puis je vous en reparle la prochaine fois, mais... Je vais vérifier sur le canadien, ça m'intéresse aussi. Sinon, j'ai mis en attente un autre documentaire de Netflix, fait par Netflix, qui j'ai complètement oublié le nom, mais ça a rapport avec la révolution en Ukraine, par rapport aux étudiants, je crois, quelque chose comme ça. Marc-Antoine en avait parlé, puis il disait que ça l'avait, la violence du film l'avait bouleversé, puis que c'était pas pour les âmes sensibles. Fait que c'est pas pour ça que je veux le voir, là. J'ai pas comme fait un coup d'un défi, mais le sujet m'intéresse, puis j'imagine que ça doit être difficile à regarder en même temps, je comprends, là, au vu du sujet. Mais je trouve que Netflix, depuis un long moment, de toute manière, avec leur série, leur documentaire, puis là, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Beast of No Nation, quelque chose comme ça. No Nation, que j'ai vraiment hâte de voir, que Marc-Antoine m'a vraiment recommandé. Il est sûr que je vais adorer. Puis Netflix, sérieusement, ça devient vraiment une référence. Là, il n'arrête pas de monter en termes de qualité, je trouve. Puis j'adore ça. Là. Surtout avec Daredevil aussi, puis tout ça. Fait. Il fallait encore que tu le plugues. Écoute-les! Puis ils ont mis le documentaire sur Retour vers le futur aussi, Back in Time. C'est Oui, je l'ai mis dans ma liste. C'est sûr que je vais l'écouter. Sûr, ça aussi, je vais le regarder. J'en parlerai dans le prochain Time Out. Yeah! Sinon, on en parle tout de suite, parlant de nouvelles séries. Ouais, c'est ça. On va commencer avec le gros morceau. Ouais, OK, parfait. Supergirl. Hey, sexy! Non, c'est pas... Ça, c'est ce que Jeb Bush a dit. Pour vrai? Oui. C'est-tu Jeb Bush? Non, c'est Jeb Bush, oui, c'est ça, je pense. Okay. Jeb Bush qui s'est retiré, je pense, de la course présidentielle. Anyway, il disait, avant que la série Supergirl commence, il dit « Hey, hot la fille! » Tu sais, elle a genre 30 ans de moins que lui, là, je ne sais pas trop, 40 ans, je ne sais pas quel âge qu'il a. Mais Supergirl, juste j'en parle 2 secondes parce que je l'ai mentionné, mais le premier épisode est très bon, c'est très léger, mais c'est très, tu sais, c'est un peu... C'est très positif, très naïf, c'est dans l'esprit des vieux Superman, c'est pas du tout dans l'esprit de Man of Steel, mais moi j'aime beaucoup l'actrice principale, puis j'aime voir Calista Flockhart qui joue sa patronne, Addie McBeal, puis les différents personnages de la série, je les apprécie, puis tout, puis j'aime le côté positif, côté super-héros, plein de d'espoir et tout ça, comme on retrouvait dans les vieux films avec Christopher Reeve, dans les comics et tout ça, puis... J'ai pas encore vu le deuxième épisode qui est passé hier, mais je vais le regarder cette semaine, puis je vous en reparlerai. Mais j'accroche beaucoup à la proposition du premier épisode. Puis le premier épisode de la semaine passée s'est avéré être l'épisode de télévision le plus regardé aux États-Unis cet automne. C'est quand même quelque chose. En tout cas. C'est drôle, tu dis que c'est pas comme Man of Steel, mais c'est pas grave, c'est pas bon, Man of Steel. Oui. Mais c'est ça, c'est pas un super-héros, une super-héros qui boude, qui est tout le temps l'air fort. Qui est déchiré, que son don, en fait, est une malédiction. Puis il n'y a pas de super-vilain comme sur ton chandail qui est là. Why so serious? Yeah! Je l'ai mis parce que souvent, je me pose cette question-là quand je te vois dans les timelines. Puis je suis comme, pourquoi il est autant sérieux? Ça, c'est moi, ça. C'est ma face. Je suis une face sérieuse et embêtée des fois. C'était pas Supergirl, voyons donc, qu'on voulait parler. C'est évidemment Ash versus Evil Dead. Bien sûr. Bien sûr. Par quoi commencer? Ben, regarde, moi, je vais tout de suite commencer par dire que je l'attendais, cette série-là, à 100 000 à l'heure parce que Evil Dead est mon film d'horreur favori de tous les temps. Je vois un amour inconditionnel pour cette série-là avec laquelle que j'ai grandi, que j'ai adoré, que j'ai connu les répliques par cœur, j'ai revu. Et autant j'écoutais avec mes yeux d'enfant quand j'étais jeune, autant en grandissant, je finissais par voir le côté technique, la réalisation de demande de Sam Raimi, puis avoir toutes les références, surtout dans Army of Darkness, des trucs que je voyais pas avant. Puis on rêvait tout d'avoir une suite, mais Army of Darkness, ça s'est tellement planté. Ils ont même demandé à Sam Raimi de tourner une autre fin différente pour être certain qu'il n'y ait jamais de suite. ce qui était plutôt triste. Et finalement, après, c'est quoi, ça fait 14 ans? C'est pas moins ou plus? L'Armée des Ténèbres? Oui, depuis la série qu'on a là, puis l'Armée des Ténèbres. Ben, c'est 93, c'est 22 ans. 20, mon Dieu. OK, ben c'est ça. Plus 22 ans d'attente pour finalement retrouver notre cher H. Et qu'est-ce que le plus vieux? Jeff, t'as-tu un amour inconditionnel pour Evil Dead? Moi, je connais la réponse, là, mais... Oui. Puis moi, j'ai commencé avec L'Armée des Ténèbres, justement, à cette époque-là, que je l'ai vu soit sur vidéo ou soit sur super écran avec un de mes amis, et avec la voix d'Alain Zouvi en français. Oui, c'est vrai. Puis après ça, j'ai vu les deux autres, mais mon préféré a tout le temps été le premier. Je sais souvent entre le premier et le deux, mais je pense que je préfère encore le premier parce que c'est un vrai film d'horreur, mm-hmm. même si maintenant on peut en rire un peu. Mais même là, je l'ai montré à ma blonde pour la première fois au mois d'octobre, puis elle n'a pas ri, puis elle a apprécié ses qualités de film qui a été une grosse influence pour les autres mm-hmm. films. Puis elle a aimé le deuxième, je pense. Le troisième, peut-être moins un peu. C'est comme plus loufoque et moins sérieux, puis comme, tu sais, il se passe beaucoup de choses, il se passe moins de choses en même temps. Je trouve que le troisième, plus je vieillis, moi je l'aime, là, mais en tout cas, je l'aime quand même. Là. Puis la série, je l'attendais vraiment beaucoup, mais on dirait que c'est bizarre parce que là, je me demande si ça va pas faire dans l'inverse de toi, parce que toi, au début, tu l'attendais pas vraiment quand ça a été annoncé. Après ça, tu t'es mis à t'exciter pour la série. Moi, j'étais ouais. super excité au début. Ouais. Puis là, j'étais comme, en entendant des commentaires, puis en voyant un peu de quoi ça avait l'air, puis en voyant le trailer, je disais... J'ai peur d'être déçu, j'ai peur que ce soit pas le même H, puis le même, tu sais, il a l'air d'être, tu sais, vu qu'il y a des sidekicks dans la série, puis tu sais, c'est, il faut qu'il parle plus parce que c'est une série télé, j'avais peur de, ouais. de j'avais peur qu'il dénature un peu le personnage. Puis, en tout cas, je suis pas déçu du premier épisode, vraiment pas, là. J'ai trouvé ça le fun, puis tout, mais j'ai hâte de voir où ça va aller, puis j'ai surtout hâte de voir plus de Lucy Lawless, parce que c'est sur elle que je mets tous mes espoirs pour qu'elle kick des culs, pour qu'elle soit vraiment kickasse, parce que je pense qu'elle va être encore plus badass que Ash. Ash, c'est un gros cabotin, là, ça a tout été ça un peu. Mm. Mais vas-y. Un épisode, c'est pas assez. Je veux dire, j'ai écouté l'épisode, c'est comme si on écoutait le début d'un film. Fait que c'est difficile de vraiment juger en gros, parce que ça va prendre une couple d'épisodes, puis voir aussi que ça va s'en aller, parce que c'est une série, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire comme histoire, qu'est-ce qu'ils vont développer, puis surtout, comme tu dis, les personnages secondaires qui, je trouve, sans qu'on en connaisse beaucoup dans le premier épisode, c'est encore assez mystérieux, je trouve qu'ils sont facilement charismatiques, puis déjà attachants. J'étais déjà un peu intéressé à eux, puis je suis comme, OK, mais j'ai hâte de les connaître plus. Notamment, le personnage... Je suis pas trop sûr. T'es pas trop sûr de... Je suis pas trop sûr de la policière, moi, encore. J'étais pas... Honnêtement, je suis pas trop sûr parce que c'est elle qui a le ton le plus sérieux, en fait. Mais la scène où qu'elle va dans la maison avec son partenaire et qu'on rencontre un des premiers démons, oui. Je trouve la scène est écœurante. Oui, le démon est génial. Puis ça, c'est comme tu dis, c'est la première apparition. Puis c'est un des démons les plus épeurants que j'ai vu, soit à la télé ou au cinéma. Là. La manière qu'il bouge. Là, c'est modèle à l'ancienne, là. Tu sais, quand on est habitué de voir tous les clichés de films de fantômes puis de possession, comment ils bougent, là, on en revient avec de quoi de rafraîchissant qui nous ramène à ce qu'on aimait dans les premiers films. Puis mon Dieu, que c'est génial. Mais comment dire? Moi, honnêtement, j'ai pas été déçu une seule seconde. J'ai eu du fun à retrouver Ash. Tu vois que tout le monde s'amuse. Bruce Campbell, il est tellement content de revenir dans son personnage. Ça crève l'écran. Et derrière la caméra, ben, tu vois que Sam Raimi avec. Tu sais, c'est comme... C'est des frères, ils veulent pas, des meilleurs amis depuis toujours. Puis là, ils ont la chance de revenir aux sources de qu'est-ce qui a parti leur carrière. Puis, tu sais, ils sont pas caves, ils l'ont dit avant de commencer la série. On sait qu'est-ce que les fans veulent, puis on va leur donner qu'est-ce qu'ils veulent. Puis je veux dire, dans le premier épisode, en 40 minutes, ils nous donnent tout ce qu'on aime des 3 Evil Dead condensés en un épisode de 40 minutes. C'est intense, t'as tout là-dedans. Tu veux les répliques de Ash, tu veux son groovy, tu veux sa chainsaw, tu veux les moments loufoques, cocasses, des moments plus gore. Je veux dire, ils ont vraiment tout rassemblé ensemble. Même qu'ils ont même remis un flashback. Tu sais, à chaque film de Evil Dead, tu as tout le temps une petite intro qui résume qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est un premier aspect que je trouve intéressant. Quand tu regardes Evil Dead 2, l'intro, il a dû retourner retourner la scène parce qu'il n'avait pas les droits sur le premier film. Il ne pouvait pas utiliser les images. Quand il a tourné l'Armée des Ténèbres, c'est la même chose. Il avait pas les, il ne pouvait pas prendre les images des autres films, fait qu'il a dû retourner la scène. Et là, pour Ash vs. Evil Dead, durant le moment de flashback, il a pu avoir les images des deux premiers films parce que c'est Wayne Kirby qui s'occupe de la série, fait qu'il avait les droits. Mais il ne peut pas utiliser les images d'Army of Darkness parce qu'il y en a qui disaient que ah, c'est parce qu'ils veulent éviter ça puis que la série soit vraiment le 3 du 2. Mais non, c'est même le producteur, il l'a dit, c'est plate parce qu'on voulait utiliser les images d'Army of Darkness, mais on ne pouvait pas, il ne voulait pas. Mais pas les droits. Mais parlant de cette scène-là. Ben, j'allais juste dire, comment tu te sens face à. Quand tu vois Ash avoir du sexe doggy style avec une femme au tout début de la série. Ce qui est un peu bizarre par rapport au personnage. Ça a toujours été un womanizer, toujours été un flirteur et tout ça. Mais tu sais, Honnêtement, moi, la scène, je la trouve drôle. Je veux dire, le film assume ce côté-là. Tu sais, je veux dire, quand tu apprends comment les démons en reviennent. Puis la phrase que Ash dit, puis ensuite, t'as le titre Ash vs. Ouais. Evil Dead. Tu sais, la raison de tout ce que la marde repointe, tu sais, c'est comme, ils assument qu'est-ce qu'ils font, le côté vraiment insignifiant du personnage, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, dans Army of Darkness, le Ash qu'on a là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voyait dans Army of Darkness, c'est le séducteur, l'égoïste. Non, il est haïssable dans Army of Darkness, il est vraiment. Non, c'est ça, il est haïssable, puis il n'a pas changé. Ça serait illogique s'il y aurait plus ce genre de personnalité-là. Puis dans la série, bien, il est exactement comme on l'avait vu dans Army of Darkness. C'est un peu heureux. La première chose qu'il veut faire, c'est se sauver. Il veut se sauver, mais c'est surtout que là, il est rendu vieux. Puis tu sais, il essaie de cruiser une petite jeune à la caisse, mais ça marche zéro, surtout avec sa main en bois. Puis, il y a plein de running gags avec sa main en bois, puis je trouve ça tellement drôle. Ça, je suis content, j'ai hâte de voir s'il va y avoir des personnages féminins forts, parce qu'elle se laisse pas avoir, puis la détective, comme on a dit, est sérieuse, mais elle aussi, ça va être une survivante. Puis on a vu aussi dans les 30 secondes, mais je suis sûr que la manière que j'ai entendu parler dans son personnage, elle va être forte aussi. Mais ça paraît, on le sent, je crois. Comme je dis, c'est juste parce que c'est trop tôt. On peut pas vraiment parler du personnage policier parce que c'est vraiment une intro. Là. On a à peine vu, puis j'ai aucun doute qu'au fur et à mesure que la série va avancer, on va en connaître beaucoup plus, surtout qu'il y a une saison 2 qui a déjà été confirmée. Fait, je m'inquiète pas avec le développement de ces personnages-là. J'y trouve intéressant, puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais... Pour les fans de Xena et d'Hercule, c'est le fun de pouvoir voir Lucy Lawless et Bruce Campbell réunis parce qu'ils étaient dans les deux séries. Et c'est drôle parce que, tu sais, on a les derniers films de Sam Raimi, il y a pas mal été dans les grosses productions, à part Drive Me to Hell qui est un petit peu revenu à un budget plus petit puis côté horrifique. Mais je trouve que ça y fait du bien de revenir à quelque chose de plus minime. Puis de revenir aussi à l'horreur, je trouve que sa réalisation est vraiment inspirée, puis il y a vraiment des bonnes idées dans la série, juste dans ce premier épisode-là, juste comme on parlait, le flashback qui nous montre qu'est-ce qui s'est passé quand Ash raconte l'histoire, mais tu sais, c'est comme un projecteur sur les caisses de l'entrepôt où ce qui travaille. J'aime vraiment ça, comment c'est fait, c'est vraiment une bonne idée. Puis on avait parlé de la scène dans la maison avec la policière, il y a eu beaucoup de bonnes idées de mise en scène, notamment la flashlight lorsqu'elle revole et qu'elle tourne. Puis c'est juste avec le roulement de la flashlight qu'on voit le démon en face de la policière, puis elle tourne de plus en plus tranquillement. J'ai trouvé ça aussi génial. Puis j'ai vraiment retrouvé le Sam Raimi d'avant, puis je suis vraiment content. Puis, mais j'ai peur parce que les autres épisodes ne seront pas réalisés par lui, il fait juste réaliser le pilote, puis esthétiquement, ça va changer le style. Ben, tu sais, ils vont garder un peu la signature du show, mais ils vont. Ça va changer, mais je m'inquiète plus ou moins parce que, tu sais, veux pas, Sam Raimi garde un gros contrôle sur la série avec son frère Ted Raimi. Puis, tu sais, je pense qu'il a quand même eu son mot à dire sur les choix des personnes qui vont réaliser les épisodes. Fait que. D'après moi, je fais confiance comme à toute l'équipe qui sont là pour gérer tout ça. Fait que je trouve ça vraiment bien. Est-ce que tu connais les noms des gens qui vont réaliser? Est-ce que tu en connais là-dedans? J'ai pas porté attention. Faudrait que j'aille voir les noms pour le fun. J'ai pas été me renseigner. Par contre, j'ai vu au générique, j'ai trouvé ça cool que le compositeur de la série, c'est le même qui a fait les trois premiers soundtracks des Evil Dead. Oh, cool. Fait que... C'est drôle parce que quand tu portes attention au soundtrack, tu as des petits clins d'œil de thèmes musicaux du premier Evil Dead. c'est bourré d'hommages là-dedans. La chaise qui bouge un peu, le démon qui est du point de vue de la caméra qui revient. Il pouvait pas être là, c'est le démon qu'on aime. Mais la chose que je voulais le plus mentionner, en fait, c'est que j'ai été étonné à quel point, justement, l'épisode arrivait à bien mixer un genre de divertissement fun, party, avec un côté comédie, puis un côté plus sérieux. C'est vraiment une drôle de mixture. On dirait qu'il y a vraiment comme mélangé les trois Evil Dead. Je trouve qu'on retrouve par moments l'humour de Army of Darkness avec l'humour noir de puis le gore d'Evil Dead 2, puis l'horreur du premier Evil Dead, comme on disait, de la scène avec la policière qui est 100% sérieux. Puis je trouve que ça marche. T'sais, je veux dire, même si le ton change régulièrement, ça marche bien. Puis j'aime vraiment ça, sérieusement. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'étais comme, oh non, c'est déjà fini. Puis là, il va falloir j'attendre à chaque semaine, chaque épisode, alors que j'aurais voulu toutes m'étaper au one-shot. Là. Puis tu as mentionné le gore. Qu'est-ce que tu penses du gore en CGI? Mais c'est... Honnêtement, moi, j'ai rien contre le gore en CGI quand c'est pas une abondance puis que c'est pas abusif ou inutile. Tu sais, quand tu fais vraiment ça juste parce que ça te tombe pas de faire des effets pratiques puis t'es lâche, ça apparaît à l'écran. Tandis que là, c'est vraiment un mélange d'effets pratiques puis quelques effets CGI que je comprends qu'ils ont dû en utiliser. Mais c'est quand même pas si petit. C'est sûr que c'est... On aimerait tous que ça soit tout fait 100% old school avec des effets pratiques, c'est notamment la scène de la poupée. J'adorais cette scène-là avec la petite poupée démoniaque. Oui. Elle est géniale. Elle est en CGI, mais ça ne m'a pas dérangé tant que ça parce que c'est quand même minime puis c'est pas abusif. Là. Je trouve que c'est quand même bien géré. Puis ça m'a pas gêné pantoute durant l'épisode, les effets comme ça. Puis ça faisait très Army of Darkness, justement, quand il pogne le nez ou il mord le nez puis essaie de souffler pour la faire partir. Puis, ça me rappelait la scène avec les mini-haches, là, c'était ça. Là. Ouais, puis ça me faisait penser aussi les mains de squelette dans Army of Darkness. Oui. Puis on en retrouve vraiment aussi les mimiques de Ash. Tu sais, j'ai vu Bruce Campbell jouer dans d'autres films, mais il n'y avait pas forcément les mimiques de Ash. Là, on en retrouve par moments vraiment les expressions typiques. Je pense notamment à une des scènes les plus drôles de l'épisode lorsqu'il échappe les ampoules. Moi, j'ai trouvé ça vraiment tordant, puis qu'il pile dessus, puis il fait juste les brises en combiste. Puis il fait vraiment la phase qu'il faisait dans Evil Dead 2. C'est difficile à décrire, mais je reconnaissais vraiment les mimiques. Puis, je ne veux pas non plus aller tout raconter qu'est-ce qu'on voit dans l'épisode là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que si vous n'avez pas le poste Super Channel pour pouvoir suivre la série, sur le site Stars de la compagnie Anchor Bay, vous pouvez aller écouter le premier épisode gratuitement en HD. Fait que c'est votre chance. Vous avez juste à aller sur le site puis vous pouvez aller l'avoir au complet. Je ne sais pas s'ils vont faire ça pour les autres, par contre. C'est ce que j'allais te demander. Je ne sais pas non plus. Fait que je vais garder l'œil là-dessus. Mec, j'écoute le deuxième épisode samedi. Je vais vérifier après s'ils mettent le deuxième épisode online. Ça serait cool. C'est une drôle de soirée samedi de mettre un show parce que d'habitude, les réseaux télé ne mettent jamais de show le samedi soir parce que ils en mettent, mais je ne dirais pas des gros shows parce que c'est casse-cou. Là. Les vendredis et samedi, c'est jamais des bonnes soirées parce que les gens, ils prennent pour acquis que les gens sont sortis. T'sais. C'est génial. Moi, c'est ma dernière journée de travail. Fait que en soirée, je commence mon week-end avec un nouvel épisode à chaque fois. Je trouve ça vraiment génial. Mais non, moi aussi, dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il va falloir que je le revoie parce que je pense que ce soir-là. C'est con parce que c'était Evil Dead, puis je m'endormais, puis j'ai manqué de... Ben, vers la fin, je commençais à fermer les yeux un peu, mais je voulais le réécouter, puis j'ai pas eu l'occasion. Je voulais le faire avant qu'on en parle, puis je n'ai pas eu l'occasion. Mais non, je me souviens quand même de tout ce qu'on a dit, puis j'ai vraiment beaucoup aimé, puis je pense que je vais beaucoup plus aimer aussi au deuxième visionnement, en sachant vraiment à quoi m'attendre comme ton, parce que comme tu dis, ça jongle entre plusieurs tons, fait que... Sur le coup, c'est un peu déstabilisant, mais comme tu dis, on retrouve Ash, puis juste pour ça, c'est en tripant, ça fait 22, 23 ans qu'on attend après ça, puis on l'a maintenant de suite de l'Armée des Ténèbres. Oui, on l'a, puis ce qui est cool, c'est que Sam Raimi a gardé la formule old school, t'as beaucoup d'éléments qui fait vraiment Evil Dead, mais qui fait beaucoup film d'horreur d'avant, avec un petit côté moderne, je parle pas forcément juste du CGI, mais tu vois qu'il a quand même adapté le tout, Fait que ça fait un mélange, moi, que j'aime vraiment, puis qui peut plaire à un public qui connaît pas vraiment Evil Dead, puis qui, pour les fans, ben eux, ils vont tomber à terre, mais ça, c'est pas étonnant. Tu regardes toutes les critiques des fans de Evil Dead, ils sont tous en extase, puis tout le monde, honnêtement, semble adorer la série, ce qui est bien, parce que plus que la série est populaire, plus qu'elle va durer longtemps, puis j'imagine que ça va peut-être entraîner un véritable film comme suite, parce que Sam Raimi puis Bruce Campbell en ont même reparlé encore. Fait que... C'est tellement drôle ta face qui essaie de pas bailler. Il m'a convoqué, tu me bailles. Je vais m'entraîner à bailler, mais tu fais une face qui force, t'es comme. Ok, c'est hors contexte, mais j'ai trouvé ça trop drôle. Ça m'a rappelé un script de Ralph Bellan qui disait hey, c'est-tu con le monde qui essaie de bailler sans bailler? Ok, je pensais pas que c'était évident de même. Bon. Mais cool, man. Moi, je pense qu'on. Oui. Je pense qu'à chaque time out, on pourrait peut-être, vu qu'on va suivre régulièrement la série, on pourrait parler de la progression puis voir si on aime toujours ça autant, je trouve. Oui, c'est une bonne idée. Mais comme pilot, tu t'emmerdes pas une seconde. Je veux dire, l'épisode dure 40 minutes puis ça s'arrête pas. C'est non, ça action, running gag, ça passe trop vite. Super vite. Très recommandé. Très, très recommandé. Ouais, très recommandé. Si vous êtes fan, c'est sûr, jetez-vous là-dessus. Si vous n'êtes pas fan, ben, allez-y, ça va peut-être vous tenter de faire découvrir les films si vous n'avez pas eu la chance encore de découvrir ces grands classiques de l'horreur. Là. Puis si vous l'avez vu, ben, laissez des commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Mm-hmm. Si vous avez aimé autant, puis si vous êtes autant heureux de retrouver notre cher Groovy. Hail to the King, baby! Ben, ce que je voulais rajouter aussi, tantôt tu disais que c'est ça, on n'a pas besoin d'avoir vu les trois films pour suivre la série. Ça, c'est super bien parce que c'est ça, on peut. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'ils poignent du monde qui n'ont jamais vu les films. Ou, c'est ça. Fait que non, c'est super bien. Puis il y a des nouveaux personnages qu'on apprend à connaître, là, qu'on commence à connaître. Fait que tu peux t'attacher aux autres. Puis, Mais j'ai envie de les connaître. T'sais, c'est déjà bon partant pour un pilot. C'est comme il y a des personnages, des fois, dans des séries, le premier épisode, je suis comme OK. Va-t'en, je ne veux pas rien savoir. Et surtout là, tu sais, on écoute Evil Dead pour voir Ash puis les démons. On ne veut pas forcément tout de suite voir d'autres personnages, mais là, je ne me disais pas quand je voyais les personnages dégagés. Moi, je veux juste du Ash pendant 40 minutes. Non, j'étais comme, OK, ça semble des personnages intéressants, puis ça peut donner quelque chose d'intéressant, Ash, avec des genres de coéquipiers, une genre de team exterminateur de démons. Moi, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose de fun avec ça. Puis, De toute façon, Ash n'a jamais été tout seul. On pense qu'il est tout le temps tout seul, mais il ne l'a jamais vraiment été. Dans le premier film, ils sont toute une gang dans la cabane, ils sont cinq. Puis dans le deuxième film, mais ça prend. C'est sûr que c'est le film dans lequel il est le plus tout seul parce qu'il passe quasiment une demi-heure du film tout seul. Puis après ça, il se retrouve avec la gang, puis là, il est entouré de monde. Puis dans le troisième film, il est toujours entouré de monde, tu sais. Sauf au milieu, quand il faut qu'il cherche le livre. Tu sais. Le milieu, c'est comme le retour à la formule Evil Dead 2 puis la finale du premier. Oui. C'est vrai, la finale du premier. Mais c'est ça, il est tout le temps quand même entouré de monde. Puis, mais ils n'ont pas le choix de toute façon parce que si c'est juste lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tu sais? Mais surtout, là, il est dans le monde moderne, en civilisation. Il est dans une ville. Je veux dire, c'est la première fois qu'on voit ça. Tu sais, d'habitude, on a l'habitude de voir Ash dans la cabane de bois. Oui, puis de voir la caméra qui représente le démon, tu sais, se promener à travers des chars puis des trucs comme ça, c'était la première fois qu'on voyait ça. Tu sais. Ah, la scène est vraiment géniale en passant. Ouais, la caméra passe littéralement en dessous des voitures, à travers les fenêtres de portières. C'est génial, j'adore ça. Ouais. Non, là, honnêtement, c'est... C'est le fun, c'est juste trippant. Moi, c'est comme. C'est retour des Evil Dead. Je veux dire, c'est un événement extraordinaire. Je pensais jamais que ça arriverait. Si ça arrive, on l'a. Puis, gars, je suis vraiment content. Ouais, moi aussi. Good. On enchaîne avec quoi? Je sais pas, vas-y. Ok, ben j'ai vu, parce que j'en ai peut-être parlé, mais j'ai un ami qui m'a invité à aller voir Spectre éventuellement quand ça va sortir la semaine prochaine, je pense. Ben ça sera vendredi. Puis, c'est ça, j'avais pas encore vu les films avec Daniel Craig, les James Bond avec Daniel Craig. Fait que je me suis dit, je vais faire du rattrapage. Puis j'ai regardé Casino Royale et Quantum of Solace. J'ai pas encore eu l'occasion de voir Skyfall, mais ça va se faire cette semaine. Pas de temps en masse. Donc, j'ai vraiment beaucoup adoré Casino Royale, un peu moins, même peut-être beaucoup moins Quantum of Solace que j'ai quasiment oublié depuis que je l'ai vu. Mais non, j'ai pas oublié, je m'en souviens, mais c'était vraiment pas aussi mémorable. Casino Royale, c'est quasiment parfait là, comme film de James Bond. c'est un de mes préférés de la série. Puis Daniel Craig, déjà après deux films, c'est un de mes James Bond préférés, sinon mon préféré. C'est sûr que Sean Connery sera toujours l'original. Puis j'ai un gros faible pour Timothée Dalton, ainsi que pour George Lazenby, même si j'ai joué dans un film, mais il a joué dans un esti de bon film, au service de Sa Majesté. C'est crissement bon comme film. C'est juste dommage que ce soit pas avec Sean Connery, mais en tout cas. Mais Lazenby a fait une bonne job, pareil. Mais Daniel Craig, je le placerai tout de suite après Sean Connery, selon moi. Puis juste avant Timothée Dalton. Genre, je le placerai en deuxième, puis Timothée Dalton en troisième. Qu'est-ce qui est drôle? Quoi? C'est qu'à l'époque, avant Casino Royale sorte, puis qu'il avait annoncé que c'était Daniel Craig, l'Internet était en feu. Mm. James Bond, cheveux blonds, yeux bleus. C'est bizarre, un coup que le film était sorti puis que les critiques ont commencé à sortir, plus personne en parlait, c'était comme ouais, le nouveau James Bond était carré. Puis ben c'est ça, lui il est super bon, puis il est toujours aussi bon dans Quantum of Solace, c'est juste que le film est moins bon. Puis il y a eu des gros problèmes d'écriture durant la grève des scénaristes et tout ça. Ouais. Il a fallu que Daniel Craig lui-même puis le réalisateur écrive des bouts du film, tu sais. Parce qu'il n'y avait plus de scénariste. Mais Casino Royale, son gros attrait pour moi, c'est le personnage d'Eva Green, c'est Vesper Lynd, et aussi le chiffre joué par Mads Mikkelsen, mais vraiment... La meilleure Bond Girl. Eva Green, c'est la meilleure Bond Girl, selon moi, jusqu'à date. Je n'ai pas vu encore Skyfall, j'ai pas vu du Spectre, mais ça va être dur à battre, celle-là. Là. C'est pas juste à cause de l'actrice qui est bonne, elle est vraiment très, très bonne, puis moi, je l'ai découvert sur le tard avec Penny Dreadful, mais Penny Dreadful, elle est magnifique. Elle est encore meilleure que dans Casino Royale parce que son personnage est beaucoup plus développé, mais c'est... Penny Dreadful, c'est le Eva Green Show, là, tu sais, quasiment. Mais non, elle est extraordinaire, puis sa relation avec Bond est vraiment, vraiment incroyable, vraiment le fun, vraiment fun la à suivre. Folle. Puis c'est pas juste une Bond girl, tu sais, qui va se laisser faire, qui va tomber dessus d'un bras. Non, elle est vraiment... Elle est forte en même temps qu'elle est vulnérable et tout ça, puis elle est intelligente, puis elle est rusée et tout ça, puis non, elle est vraiment tripante. Puis j'ai beaucoup aimé ça, Mads Mikkelsen, puis son duel, tu sais, durant la partie de poker avec James Bond. J'ai jamais vu une partie de poker, ou presque jamais vu, je pense, une partie de poker aussi enlevante que dans ce film-là, tu sais, qui dure quasiment 40 minutes de film, tu sais, mais c'est tellement le fun. J'étais arrivé au bout de mon siège, j'ai comme, qu'est-ce qui va se passer, t'sais? C'est incroyable, hein? Je me rappelle, j'avais vu le film au cinéma, puis tu sais, le film est vraiment séparé, là, tu vois les différentes parties, puis tu sais, t'écoutes la première où t'as des grosses scènes d'action impressionnantes, débiles, ensuite quand t'arrives, ça l'enchaîne avec Eva Green qui arrive, puis que la partie de poker va commencer plus tard, comme tu dis, ça dure 45 minutes, je connais rien au poker, ça m'a jamais forcément intéressé. Mais maudit, j'étais dedans, toute la salle là, était rivée sur leur siège parce que c'est non seulement c'est super bien réalisé, mais les rebondissements, la partie, la manière que c'est amené, c'est juste super intéressant. Ça fonctionne au max. Là, Et comme tu dis, moi non plus, je connais pas les règles du poker, fait je comprends rien au jeu, mais j'étais arrivé à mon écran pareil. Puis tu sais, j'avais vraiment du fun à regarder ça. Il réussit à créer un suspense avec quelque chose que tu comprends pas, tu sais. Sylvain dit « Puis Skyfall, mon préféré perso. » Ben, c'est ce que j'ai lu aussi de plusieurs personnes. Puis je lisais des critiques de Roger Ebert, parce que j'aime beaucoup Roger Ebert. Puis il a eu le temps de voir les trois avant de mourir. Puis Skyfall, je pense que c'était son préféré des trois. Il n'a pas aimé Quantum. Il y en a beaucoup de ces Skyfall. Il n'a pas aimé Quantum, mais il trouvait que Skyfall était comme le film de James Bond quasiment parfait, là, qui réunissait tout. Alors, en fait... Sérieusement, c'est vraiment bon Skyfall, mais on m'en a tellement parlé, là, mais vraiment, tu sais, over, que lorsque je l'ai vu, j'ai vraiment adoré, mais je m'attendais à voir l'effet que j'ai eu lorsque j'étais voir Casino Royale, puis j'ai trouvé encore là Casino Royale plus supérieur, il m'a plus marqué, autant dans ses scènes d'action que dans son scénario, puis son méchant. Je trouve que le chiffre, même si le méchant de Skyfall est vraiment génial, je le trouve pareil meilleur dans mes goûts perso. Mais il y a aussi que je trouve que Casino Royale est celui que l'intro de James Bond la plus unique et qui se détache de tout. Toutes les autres intros de James Bond, ça commence avec une grosse scène d'action interminable. Tout ce qu'on a, c'est une scène qui se passe dans un endroit, c'est juste une scène de suspense. On découvre James Bond dans une photographie noir et blanc, vraiment génial. Un James Bond froid, tu sais, on ne voit plus le gars qui tue personne, rien. Non, il est là pour venir nettoyer le travail, si on veut, venir assassiner quelqu'un. Puis on voit sa première, comme son espèce de premier contrat qu'il a eu dans une salle de bain. C'est bordélique, il rush, il est en sueur, c'est le bordel. Toute cette intro-là, j'étais comme wow, « waouh, ça va tellement à controverse de tout ce qu'on a vu dans les James Bond. » C'est comme une espèce de grosse bouffée d'air frais que ça m'a vraiment marqué. Puis lorsque j'étais sorti du film, une des scènes qui m'avait le plus marqué, c'était cette intro-là. Puis elle me restait en tête, puis je la trouve tellement efficace. Puis je trouvais que c'était une entrée formidable pour Daniel Craig. Là, je suis comme, on nous présente le nouveau James Bond comme ça. C'est un James Bond différent, plus humain. Puis j'étais comme wow, fantastique là. C'est comme je rouvre mes bras pour découvrir Daniel Craig là. Puis ben, ça n'a aucun rapport avec les ça a pas vraiment, c'est une anecdote là, mais je vais parler encore de Penny Dreadful deux secondes, mais ça, il y a beaucoup de liens que je fais avec James Bond dans Penny Dreadful. Penny Dreadful a été créé et tous les épisodes sont écrits par un gars qui s'appelle John Logan, j'en ai déjà parlé. Puis John Logan a écrit Skyfall ou co-écrit Skyfall, puis a écrit Spectre, je crois. Puis, tu as Eva Green dans Penny Dreadful, tu as Timothy Dalton, puis tu as un gars qui s'appelle Rory Kinnear qui joue dans Quantum of Solace, qui fait comme un assistant de Judi Dench. Puis, je ne sais pas s'il joue dans les autres, mais j'étais comme très content de le voir parce que je l'aime beaucoup. Puis, j'étais comme, tabarouette, il y a donc bien des, il y a plein de connexions avec James Bond dans Penny Dreadful. Fait que, c'est juste ça. Mais non, sérieux, j'aime vraiment beaucoup. Puis, Skyfall, je le regarde dans les prochains jours, puis je vais aller voir Spectre, puis je vous en reparle la prochaine fois, mais je suis accro à ce James Bond-là. Tu seras pas déçu, ça c'est sûr et certain. Quantum est le volet le plus faible, puis Skyfall rattrape les morceaux. Là. Tant mieux. Puis j'ai hâte d'avoir Spectre. Étonnamment, ben étonnamment, pas étonnamment, mais j'ai entendu des trucs quand même mitigés. Globalement, c'est bon ce que j'ai entendu, mais j'ai entendu dire, en gros, qu'il y avait du très bon puis du moins bon dans le film, que ça zigzaguait un petit peu. Mais je reste très, très, très intrigué d'aller le voir parce que j'adore Sam Mendes. Je trouve qu'il a fait une job incroyable avec Skyfall. Puis Christopher Waltz en méchant. Je veux dire, tous les éléments sont là pour avoir peut-être pas forcément le meilleur James Bond, mais un excellent James Bond. Puis je suis sûr qu'on va passer un bon moment au cinéma. Là, c'est pas mal sûr. Puis, ben, ça va être, dans mon cas, mon premier James Bond au cinéma. À vie. Moi, c'était Casino Royale. Le premier James Bond que j'ai vu de ma vie, c'est GoldenEye avec Pierce Brosnan. Pour moi, mon premier James Bond, ça a été Pierce Brosnan. Puis c'est drôle parce qu'il y a peut-être deux James Bond que j'aime avec Pierce Brosnan. Les autres, je les aime vraiment pas. C'est très so-so. Puis celui qui a réalisé GoldenEye avec Pierce Brosnan, qui a fait découvrir ce James Bond-là, c'est Martin Campbell qui a aussi fait Casino Royale, que lui a fait découvrir Daniel Craig. Puis, tu sais, GoldenEye, c'est le meilleur, je trouve, de la période Pierce Brosnan. Puis, celui-là, Casino Royale, je trouve que c'est le meilleur, celui-là, Daniel Craig. Je trouve que Martin Campbell a vraiment un bon talent pour faire une entrée d'un nouveau James Bond. Puis, lorsque ça va être le temps d'aller chercher un autre acteur, ben, j'aimerais ça que ça soit encore Martin Campbell qui réalise pour faire l'entrée. Je trouve que ça serait comme une tradition cool. Oui, oui. Je suis pas d'accord. Fait que, vas-y avec un de tes films. Parfait. Moi, j'ai écouté le documentaire Electric Boogaloo. Je t'en avais déjà un petit peu parlé, évidemment. J'avais vraiment hâte de l'écouter. Ça a tellement pris une éternité avant qu'on l'ait ici. JF, ça n'a aucun sens. En France, ils l'ont eu bien avant nous. Oh, ouais, je sais. Puis je savais même pas qu'il était sorti ici. J'étais en train de magasiner, comme d'habitude, sur Amazon. Puis à un moment donné, je vois juste le petit DVD en bas à 7$. Je suis comme, c'est une joke. Non seulement il est là, mais 7$. Je sais qu'il y a deux documentaires. Il y a celui l'autre s'appelle The Google Brothers, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, qui est réalisé par un des deux frères. Johan. Dans le fond, c'est eux qui racontent leur propre histoire au lieu d'avoir leur histoire racontée par quelqu'un d'autre. Là. C'est ça. Ben, en fait, ils ont fait comme ils faisaient dans le temps leur film. Eux, dès qu'il y a quelqu'un qui voulait faire de la compétition, ben, ils s'arrangeaient pour sortir le plus rapidement leur film en premier. Puis ceux qui ont fait Electric Boogaloo ont voulu les inclure dans le documentaire pour faire des interviews, ces choses-là. Ils ont comme fait « Non, ça ne nous intéresse pas ». Et bizarrement, quelques jours après que Electric Boogaloo sorte, ben, eux, ils ont sorti avant leur documentaire sur eux-mêmes. parce qu'ils ont vu ça encore comme un défi. C'est comme, il y a quelqu'un qui fait un documentaire sur nous, fait on va en faire un qui va être encore meilleur. Parce que ces deux gars-là, ces deux frères ou cousins, cousins. Tout le temps mélangés, cousins. Les cousins. Il y avait une vision décousue du cinéma. Puis là, je pensais pas que c'était comme ça. J'avais pas cette vision-là de la canon en écoutant ce documentaire-là. Moi, j'avais une vision d'une bonne compagnie. Moi, dans ma tête, c'était quelque chose... oui, c'est cheesy, mais je me disais, il y a des bons films là-dedans. Pareil, c'est pas tout forcément des nanars ou des mauvais films. Mais au fur et à mesure que j'écoutais le documentaire, je voyais qu'à quel point ça marchait pas, mais que ça marchait en termes d'argent. À toutes les fois qu'ils sortaient un film, ces gars-là, c'était comme... Ça va se retrouver aux Oscars, ça va être le nouveau chef-d'œuvre, c'est le film de la décennie. Puis à toutes les fois, ça faisait un flop parce que c'était des mauvais films. C'était des mauvais films qui fait juste vaguer sur d'autres films qui avaient des succès. Que ce soit Indiana Jones, ils vont prendre les éléments qui faisaient le succès d'Indiana Jones, ils vont essayer de le faire. Ça donne un film mauvais qui tente de copier les autres. Puis pratiquement toute la filmographie de la canon, c'est un peu ça. Ça vague sur des succès puis sur des trucs qu'on veut ailleurs, puis ils se disent qu'ils vont faire quelque chose de meilleur avec ça. Mais c'est jamais le cas. Puis c'est drôle, ils ont tout le temps été persévérants, ils ont tout le temps continué. Puis finalement, ils ont pareil fait beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément parce que les films étaient rapportaient autant d'argent. C'est surtout que c'était des gars qui savaient comment gérer, comment distribuer les films. Ils n'arrêtaient pas d'acheter, de dépenser d'argent d'emprunter à la banque pour que leur film soit distribué en Corée, qu'il soit distribué ailleurs, partout. Ça a vraiment parti d'un petit truc où les films jouaient dans des petites salles aux États-Unis. Ça a commencé à jouer partout parce qu'ils voyaient de manière beaucoup trop ambitieuse. Ça a été leur perte en même temps parce qu'à un moment donné, Ubisoft était tellement endettés qu'ils faisaient même plus d'argent là, avant même de faire un film. Mais c'était pratiquement impossible que le film puisse rapporter suffisamment pour réparer leurs dettes. Mais non, c'est ça, c'est un documentaire super le fun. On en apprend quand même une couple de choses intéressantes sur les films que j'aime la canon, que ce soit Breaking, que ce soit Master of the Universe avec Dolph Lundgren, qui avait honte de porter le costume qu'il avait dans ce film-là. Il était comme... J'avoue que quand je suis arrivé sur le plateau du tournage en bobette avec des ceinturons alentour de mon torse, je trouvais ça un petit peu ridicule. c'était drôle. Puis aussi la manière que Bras de fer, Over the Top, était perçu aussi dans ce temps-là. Moi, dans ma tête, yes! Bras de fer! Quand j'ai découvert Bras de fer, Stallone, quand j'étais jeune, c'est comme, c'est bon, c'est le fun. Mais quand tu y repenses, c'est comme... C'est vrai que c'est con, un film sur les bras de fer. Tu sais, comment tu vas arriver à garder l'intrigue ou le suspense avec deux gars qui font juste faire un combat de bras de fer? Mais moi, j'aime ça. Tu sais, c'est cheesy, c'est le fun. Puis ça a tout le temps été la marque de commerce de la canon. Aujourd'hui, je m'en rends plus compte que dans le temps, c'était pas vu forcément ainsi. Puis que le monde boudait la canon. Puis c'est dommage parce que à force que la canon se faisait une réputation de mauvais film, lorsqu'il en sortait des très bons, il y a dont un qui est pour moi un vrai chef-d'œuvre, ce film-là, c'est Runaway Train, qui serait aujourd'hui considéré comme un classique avec John Voight. C'est vraiment un chef-d'œuvre, puis il n'est pas trouvable ici en DVD. J'ai trouvé une VHS, puis j'attends que Scream Factory peut-être le distribue. Mais ce film-là est vraiment, honnêtement, un grand film qui a eu des critiques très élogieuses à l'époque de ceux qui l'ont vu. Je ne sais pas que tu dises qu'il n'est pas en DVD, pourtant c'est connu ce film-là. Mais parce qu'il y a le logo de la canon, ça a été un flop quand c'est sorti ce film-là. Parce que le monde se dit, bon, un autre mauvais film de la canon, puis c'est triste parce que les quelques films de même qui sont fabuleux de la canon, ça n'a pas marché à cause de ça, puis c'est dommage. Mais en tant que tel, sinon pour revenir au documentaire, ben je le recommande, gars. Si vous êtes un fan de ces films-là du côté cheesy, puis vous voulez en connaître plus sur comment les cousins fonctionnaient, comment ils faisaient des films, comment ils sont vraiment, comment je pourrais dire, désagréables sur les plateaux de tournage. Ils mettaient des moyens de pression, puis c'est fou. Il y a des anecdotes que les réalisateurs racontent de qu'est-ce qu'ils faisaient, puis ils disaient que je me dis, OK, non, ça, c'est stagé. Ils ont écrit ça pour le documentaire pour rendre ça plus divertissant. Non, les trucs qui sont racontés sont vraiment vrais, puis c'est vraiment over the top. C'est pour ça que tu sais, ça dit « The Wild Untold Story of the Canon Film », puis ça le dit, là, c'est vraiment fou, là, c'est tout ce qui arrive là-dedans. Fait que non, c'est ça. Excellent documentaire. Je suis pas déçu. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis ça m'a juste donné envie de réécouter tous les films de la canon back-to-back après avoir écouté ça. Mais non, moi, la raison... tu sais, je l'ai pas regardé encore parce que je trouvais que... J'avais regardé un petit bout qui parlait de Breaking. J'avais regardé un petit bout du film puis je trouvais qu'il passait trop vite sur les sujets. Puis genre, il passe 5-6 minutes sur un sujet puis il passe à l'autre direct. Puis je trouvais que c'était pas assez. J'aurais aimé. Je sais que c'est ça le but, c'est de passer en surface sur toute l'histoire, mais j'aurais aimé ça quelque chose de plus. Il essaie de parler vraiment beaucoup de tout en tant que tel. Mais je te dirais qu'il y en a qui s'étalent plus vu qu'il y a plus de contenu. Je veux dire, s'ils ne s'étalent pas autant que ça sur Breaking, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à dire, à part le fait que l'actrice principale s'attendait zéro avec les deux autres danseurs qui, eux, sont effondants. C'était comme, t'es pas une danseuse, va-t'en, nous autres, on est des vrais danseurs. Moi, je savais même pas que sur le plateau de tournage, il y avait cette attitude-là. Fait qu'on dirait que je ne vais plus voir Breaking de la même manière. T'sais, ils ont l'air tout joyeux, une jolie team, alors qu'à l'extérieur, ben c'est vraiment pas le cas. C'est ce qu'on appelle le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, et c'est ce qu'on appelle l'effet Apocalypse Now. Ouais. Mais non, c'est ça. Je vais le regarder éventuellement. Mais tu sais, je me suis un peu... Ah, j'hésite à le dire depuis un bout, mais je me suis un peu tanné de la canon. On en a parlé beaucoup l'année passée. Puis à un moment donné, j'ai comme fait... OK, je n'ai plein mon casque, puis je vais prendre un petit break de ça parce que... T'sais, j'aime ça les navets, puis c'est ça le podcast, mais en même temps, j'étais comme tanné de ce style-là de canon, puis ça, puis là, je voulais passer à d'autres choses. Et éventuellement, je vais y retourner, mais là, j'étais comme, elle avait trop regardé en trop peu de temps, là, tu sais, fait que... Ben, c'est correct, à un moment, on veut peut-être prendre un break aussi, là. Ouais. Je suis comme ça, si j'abuse trop de quelque chose, je finis par m'écœurer, tu sais, c'est un peu comme je disais l'année passée avec des films d'horreur, les 31 jours d'horreur, tu sais, je m'étais écœuré à la fin, mais... Mais c'est pour ça, je pense qu'on essaie de diversifier les épisodes maintenant qu'on fait, oui. Qu'on essaie vraiment de varier les régions, les films qu'on choisit ou les sujets ou peu importe, là, pour pas justement qu'on finisse par s'écœurer. Tu sais, s'il faudrait qu'on fasse un Swamp Country à chaque semaine... Je perdrais intérêt. Je suis fait de même, je ne comprends pas. Là, mais je m'écœure vite. Fait que faut pas que je m'écœure de faire des podcasts. Non, ça m'arrivera pas, là, je pense. Mais, à moins que ça soit bon. C'est parce que si tu tapes tout le temps des films qui sont pas bons, à un moment donné, ben, ça vient tannant. Je dis pas que les films de la canon, globalement, ce sont des mauvais films, mais que j'aime. Pour moi, ils sont bons dans leur mauvais. Mais taper des vrais mauvais films, parfois, c'est chiant. Là, attends, des fois, je pars des passes, comme j'ai eu ma passe Polichon au printemps, puis des trucs comme ça. Fait ouais. J'ai eu une petite mini passe Gene Wilder au mois d'octobre, j'en parlerai tantôt, mais non, c'est une petite passe, même pas deux films, en fait, là, mais j'ai l'intention de voir d'autres de ces films. Mais non, continue, c'est ça, t'avais pas fini encore, je pense. Non, ben non, en tant que tel, j'avais fini, fait que... C'était juste ça. C'était un documentaire que je recommande vraiment pour ceux qui aiment la canon. Non, j'étais en train de l'oublier, mais dans le fond, je vais en parler. C'est un petit film que je recommande pas vraiment. C'est ça, c'est avec Gene Wilder. C'est un film... parce que j'ai écouté Young Frankenstein au début du mois d'octobre. Puis ça, c'est un film que j'aime toujours, là, qui est vraiment, vraiment le fun. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais ça a rien perdu de son humour. Puis tout. Non. Après ça, j'ai vu une entrevue avec Gene Wilder sur YouTube, une entrevue de 2013. J'étais vraiment content de le revoir parce que je pense que je n'avais jamais vu cette entrevue-là puis je n'avais pas vu Gene Wilder récemment. Fait que j'étais vraiment content de le voir parler de ses films. Même si dans l'entrevue, il a l'air un peu perdu parfois puis il n'a pas l'air de se rappeler. Des fois, il était un peu confus. Mais c'est ça, j'ai voulu voir certains de ses vieux films. J'ai replongé un peu dans sa filmographie. T'sais, je me suis rendu compte que je n'avais pas vu tant que ça. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir vu plus que ça. Puis là, je me suis tapé un film de 1975 qui s'appelle, je pense qu'en français, c'est Le petit frère, le frère le plus futé de Sherlock Holmes. C'est en anglais, c'est The Adventures of Sherlock Holmes, Smarter Brother. Dans le fond, c'est le frère de Sherlock Holmes qui s'appelle Sibérius Holmes. En tout cas, ses initiales, c'est S. Holmes, quelque chose comme ça. Puis son assistant dans le film, c'est le même acteur qui était son assistant dans Frankenstein Junior. Je cherche son nom. Il est super connu, ce gars-là. Il était connu dans ces années-là. Ça va me revenir. Puis l'actrice principale, c'est Madeleine Kahn, qui était une des actrices principales de Frankenstein Junior aussi. Donc, c'était le même trio que Frankenstein Junior, tu sais, puis l'année d'après. Puis c'est un film réalisé et écrit par Gene Wilder. Mais Gene Wilder n'est pas Mel Brooks, fait que c'est pas aussi bon. C'est très cabotin, très nono. Il y a des bonnes petites idées des fois, il y a des bonnes pause, il y a des acteurs pas pires, il y a des acteurs que je pourrais vous dire le nom parce que mais je les avais déjà vus à d'autres places, puis j'ai oublié de checker, j'ai oublié de retenir, là, j'ai pas retenu leur nom. Il y a Dom DeLuise qu'on voit dans des films de Mel Brooks aussi. Puis c'est ça, tu sais, en gros, c'est juste une enquête de Sherlock Holmes, mais faite par son petit frère parce que Sherlock Holmes voulait pas, voulait se débarrasser un peu de ce cas-là, puis il a comme envoyé à son petit frère. Puis ben c'est ça, c'est des niaiseries à la Gene Wilder, tu sais, puis c'est. Je trouve que c'est, ça a mal vieilli, c'est mal écrit, c'est bien joué, mais c'est pas mémorable, puis c'est ça, j'ai pas envie d'en parler vraiment plus que ça, c'est pas très, j'ai pas envie de le recommander tant que ça. Il y a des meilleurs films que ça avec Gene Wilder, qu'on pense à Willy Wonka ou Frankenstein Junior, ouais. Ou ces films avec Richard Pryor que j'ai l'intention de revoir bientôt. Il y en a fait 4, je pense, avec lui. Mais c'est ça, tu sais, non, c'est oubliable. Fait que, voilà. Ça faisait partie des films que tu voulais parler ou c'était juste un addon que tu parlais de ça? Non, ça faisait partie des films que je voulais parler, puis, mais j'étais déjà en train de l'oublier. Fait que, okay. En mentionnant Gene Wilder, j'ai comme fait « Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah. » Eh bien, moi, il y en a un que j'avais vraiment hâte de voir, mais ça a l'air que Anchor Bay ne voulait pas le distribuer au Canada, fait qu'il fallait le faire importer US, puis ça coûtait une beurrée, mais j'ai réussi à l'avoir pour pas trop cher. J'ai finalement vu Everly, de Joe Lynch, avec la magnifique Selma Hayek. Il faut le préciser, parce qu'elle vieillit très bien, Selma Hayek. Bien sûr. Elle est toujours aussi belle. Moi, j'avais vraiment hâte de voir ce film-là, parce que c'est mon genre. Moi, huis clos d'action dans un appartement, ça, pas parce que ça me fait rappeler The Raid, puis je suis sans doute un des fans numéro un de The Raid, mais parce que j'aime ça, les huis clos. Puis j'en ai entendu quand même beaucoup de bien au niveau des scènes d'action. Puis toi, tu m'en avais beaucoup parlé en bien, puis je me suis dit, crime pour que JF aime ça. C'est parce que le film, il est quand même vraiment bon, puis c'est loin d'être juste du shootage pendant une heure et demie, il y a de quoi de plus. Puis c'est Joe Lynch. Je suis pas le plus grand fan de Joe Lynch. One Turn 2, j'ai pas trippé. Puis son épisode de Werewolf musical sur Chillerama, j'ai trouvé le fun. Mais encore là, je trouve qu'il a jamais rien fait qui m'avait forcément marqué. Puis j'ai tout le temps trouvé sa réalisation puis son visuel fade. Il manquait de quoi? Puis je me demandais souvent s'il était capable de réaliser ce gars-là. Et Everly, et je peux vraiment dire son premier vrai bon film, et qui nous montre qu'il est capable de tenir une caméra, puis qu'il est capable d'avoir un flair visuel, parce qu'il y a vraiment des idées de mise en scène géniales dans ce film-là. C'est tout le temps lisible, c'est tout le temps fluide, c'est jamais super cut au montage, c'est tout le temps des grands plans, on voit tout comme il faut, fait que la réalisation de Lynch est vraiment géniale dans ce film-là. C'est drôle parce que les mauvais commentaires que j'ai lus par rapport au film, c'est que le monde disait c'est pas réaliste, ça se peut pas, c'est pas réaliste. Je suis comme ok. Ouais, Star Wars c'est réaliste. Oui, Star Wars. Non, mais le premier exemple qui me vient, c'est oh, Kill Bill, c'est réaliste. Fait que t'es capable d'écouter Kill Bill puis pas cracher dessus, mais t'écoutes Everly puis tu craches dessus. Parce que quand t'écoutes Everly, il y a un aspect très comic book dans ce film-là. C'est hors contexte. C'est pas dans un aspect réaliste, justement. Il y a des personnages qui arrivent dans le film, des vilains, qu'on dirait que ça sort d'un cartoon, d'une bande dessinée. Je pense notamment à celui qui torture avec ses genres de bras droits japonais avec les masques. Là. C'est vraiment des personnages d'un manga. Là. Des vilains, il en sort de partout dans ce film-là. Il en sort de partout. Ils sont colorés, ils sont différents, ils ont des personnalités cliché digne de vilain de bande dessinée. C'est fait comme ça. Je veux dire, moi, j'écoutais le film puis je pensais à Kill Bill par moment. Tu voyais que le réalisateur s'est influencé à des trucs de main. Et c'est peut-être le seul point négatif en tant que tel que je peux reprocher au film, c'est qu'il manque peut-être de personnalité, un style unique qui arrive à faire en sorte qu'il sort du lot. Tandis que là, on pense souvent à d'autres films au fur et à mesure que le film avance. Je dis, ah oui, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. Mais sinon, c'est un divertissement du tonnerre. Ça commence sec, ça commence tout de suite avec une grosse scène, ça lâche pas, ça vague entre suspense, action et moment plus calme de développement de personnages. Ça m'a beaucoup étonné à quel point les personnages sont intéressants, surtout ce... Oui. Arrête de mourir, du... Les personnages sont vraiment intéressants. Le personnage justement, Hayek, je veux dire, c'est elle dans un appartement pendant une heure et demie. Il faut arriver à rendre le tout intéressant. Fait que son personnage est le fun à suivre. On en apprend à plus la connaître du pourquoi il arrive ces choses-là. Et l'un des personnages, c'est con, que j'ai le plus aimé. Et un des méchants qui va rester une grosse partie du film sur son divan blessé. Puis qui vont apprendre un peu à se connaître mieux, si on veut, puis à se discuter. La relation entre les deux est super. la relation est super, est intéressante, puis il y a vraiment une bonne chimie entre les deux. Mais en fait, je trouve que tous les acteurs dans le film ont tout le temps des bonnes chimies, que ce soit avec sa mère puis sa fille. Il y a une scène dans les toilettes avec sa mère, moi, que j'adore. Là, c'est émotionnellement, je trouve qu'elle marche, puis elle est vraiment géniale. Le méchant principal avec, je trouve, il est charismatique, c'est un vrai bad guy, puis surtout les bras droits. Moi, c'est vraiment les petits méchants qui viennent attaquer Selma Hayek tout au long du film qui sont vraiment... Bon. OK, quand je ris, c'est parce que GF boy, OK. Pas parce que t'es flatte, là. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça, les méchants, je les ai vraiment trouvés géniaux, mais les scènes d'action sont fantastiques parce que, veux pas, ça reste un film d'action. Des gros gunfights, Selma Hayek est badass là-dedans. Apprend des choses. Puis ça commence pas comme si c'était une fille qui a eu un training, puis qu'on savait pas, puis que c'est une experte Tarzan. Non, c'est une fille qui décide qu'elle veut survivre, qui est écœurée de ce qui arrive dans sa vie, puis elle veut comme assez prendre les choses en main, puis peut-être avoir la chance de revoir sa fille qu'elle a finalement jamais vue. Fait qu'elle va prendre les armes, puis elle va essayer de faire ce qu'elle peut, puis. Ah, c'est des scènes. Il y a vraiment des scènes badass, là, à coup de shotgun, puis tout éclate. Il n'y a pratiquement aucun effet CGI. Là. C'est des explosions de murs qui éclatent de partout, des grenades, les appartements éclatent. À la fin, il n'y a plus d'appartements. Il y a des trous vraiment partout. Puis c'est gore, étonnamment, c'est quand même assez violent. Tu as des scènes très réussies, notamment avec les petites bouteilles d'acide. Tu sais de quoi je parle, Jeff? Oui. Je dis pas que c'est un clin d'œil à Shining, mais l'ascenseur de sang, ça aussi, tu sais de quoi je parle. Mm-hmm. La lignée de sang qui est vraiment géniale, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Non, moi, honnêtement, c'est un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis le film contient tous les éléments qu'il faut pour avoir un bon film d'action. Des scènes d'action réussies, une bonne réalisation, des bons personnages, un scénario simple, mais efficace. Tu sais, moi, je m'en fous qu'un scénario soit simpliste. C'est pas un défaut. Tu sais, il y en a bien qui reprochaient ça à Mad Max. Tu sais, le scénario, ça raconte pas grand-chose. Ça raconte pas grand-chose sur l'histoire de base, mais le film, des fois, en dit plus qu'un film qui a un scénario complexe à la Avenger, que ça finit plus. Puis je trouve qu'Everly fait une très bonne job sur l'efficacité, puis on voit pas l'une heure et demie passer. Puis non, c'est. Je le recommande fortement. Malheureusement, un petit peu difficile à se procurer ici. Comme je disais, il faut le faire importer parce qu'il n'a pas été distribué au Québec. Mais si vous avez la chance de le voir, peu importe, allez-y. Selma Hayek est fantastique là-dedans. Puis j'ai vraiment été surpris. Là, je ne pensais pas que Joe Lynch était capable de nous offrir un film de cette trempe-là. C'est prometteur pour son avenir. C'est très prometteur. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'il va faire par la suite. Puis. T'as des plans-séquences vraiment de fou. Le dernier plan à la fin pour t'amener le film, c'est juste un long plan-séquence qui fait tout l'immeuble. J'étais vraiment sur le cul. J'étais comme, wow, c'est vraiment, vraiment efficace. Toi, tu l'avais vu? Je pense que t'en avais parlé. Tu en avais-tu déjà parlé? J'ai parlé sur Horror Gamer, je pense. OK. T'avais vraiment adoré. Oui, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'aimais des histoires de base, puis c'est ça qui m'attirait, puis seulement Hayek, puis... Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment, puis je le recommande très fortement. Puis c'est un film de Noël. Ça se passe durant Noël, fait que c'est parfait c'est pour vrai. Le temps des fêtes. C'est vrai. Sinon, OK, ben je vais en parler tout de suite. C'est une autre merde. Ben non, c'est pas vrai, c'est pas une merde. Attends deux secondes, je vais juste revirer la pochette, parce que je vais mettre la pochette en français. Pour une fois, c'est moi qui ai un DVD. D'habitude, c'est tout le temps toi qui est... Qu'il y en a plein, là, pour une fois, ouais, j'en ai un. Parce que ça, ouais, mais moi, ça la donne que j'achète pratiquement tous les films que je vois, hein, tu le sais. Ça compte pas, ça. Je suis fucké. Des locations, des fois, des emprunts à la bibliothèque ou des trucs comme ça. Celui-là, en ce moment, je fais partie d'une compagnie de théâtre, une petite compagnie de théâtre amateur, et on est en train de monter les belles-sœurs et tout ça, puis j'aide, parce que c'est en anglais, fait que j'aide à la prononciation des noms, des prénoms en français, des trucs comme ça, puis je fais tous les réseaux sociaux pour la compagnie. Puis ben, j'ai trouvé, parce que un moment donné, j'avais comme eu un flash, j'ai dit, il y a tellement d'adaptations, tellement eu de production de ça sur scène des belles-sœurs de Michel Tremblay, que je me suis demandé s'il y avait eu un film ou quelque chose. Puis j'ai tapé sur Google, IMDb, tout ça, puis j'ai fini par trouver quelque chose. Et c'est ceci, La fortune de Géraldine, 2004. Je peux-tu te dire que la pochette fait vraiment pas envie? Tu sais, on dirait un poster d'une pharmacie ou d'un programme de régime, là, sans vouloir. En fait, les filles travaillent chez Sobeys. Sobeys qui est genre l'équivalent ici que de IGA, là, tu sais. C'est avec Jane Curtin, qui est une actrice assez connue des années 70-80. Elle joue dans plein de films. Mary Walsh, Matt Frewer, que tu as vu justement récemment dans Chérie, j'ai résolu les enfants, c'était le voisin. Il jouait de... Quand tu as un film canadien, tu as souvent Matt Frewer dedans. Ah, OK, c'est pour ça que tu l'as écouté. Okay, non, je mais pas pour ça. Jane Curtin, Mary Walsh, Matt Frewer, Sheila McCarthy, qui est dans quasiment tous les films canadiens. C'est elle-là qu'on voit sous l'image. Elle est dans Die Hard 2, puis dans plein de films. Là. Puis tu as aussi... Ils ont marqué les noms de quelques actrices québécoises, Pascal Montpetit, Monique Mercure et Marina Orsini, qui sont dans le film. Et c'est réalisé par un certain John Smith. Et ce John N. Smith-là, je pensais que c'était un nom d'emprunt. Je sais pas si c'est encore un nom d'emprunt, mais c'est le même gars qui a réalisé Mentalité dangereuse avec Michel Pfeiffer. Okay. Vrai? 95. Oui. C'est parce que tu sais quoi, je pense qu'on n'est pas capable d'identifier le nom Smith comme un nom sérieux. Dans tous les films possibles, dès qu'il donne un faux nom, c'est tout le temps. Oui, à quel nom votre chambre d'hôtel? Smith. Smith. Ouais, c'est ça, mais ben, tu sais, dans le fond, ça existe. Là, c'est un vrai nom. T'sais. Fait que non, c'est une adaptation. C'est très, très libre. C'est l'histoire d'une femme qui va se retrouver sur un jeu télévisé où ce qu'elle peut remporter 2 millions. C'est un genre de jeu à questionnaire, tu sais. Puis, ben là, ses sœurs, puis ses amis, ses voisines, tout ça, sont un peu jalouses d'elle, se demandent pourquoi est-ce qu'elle a mérite ça, tout ça. C'est un peu les mêmes émotions que dans Les Belles-Sœurs, mais c'est pas exactement la même prémisse que dans la pièce. Parce que dans la pièce, c'était une femme qui avait gagné des timbres, tu sais, des timbres qu'on peut échanger contre des objets. Elle avait gagné 1 million, puis elle demandait aux femmes, ses amies, ses sœurs et tout ça, de venir les coller avec elle dans les petits livrets de timbres pendant toute une soirée. Puis c'est là que les révélations se sortaient. Dans ce cas-là, ils ont voulu faire un film qui se passe sur plusieurs jours, tout ça, avec aussi les maris. Les hommes sont là, sont présents. Et tu as tout l'aspect jeu télévisé, tout ça. Puis ça se passe au Nouveau-Brunswick, tu sais. Mais qu'on voit beaucoup la petite ville où c'est tourné, j'ai oublié le nom de la ville. Ça a été vraiment tourné au Nouveau-Brunswick. Puis je trouve que c'est très maladroit comme film. Il y a vraiment beaucoup de shots de transition, vraiment beaucoup trop de plans de transition où ce que tu vois juste la ville. Tu sais, entre deux scènes, tu vas voir la ville, le quartier, la maison, des gens qui se promènent dans la rue. Puis là, on arrive à une scène qui se passe dans une maison. Puis après ça, bon, on retombe dans un autre shot de transition, mais ça arrive à toutes les 5 minutes ou 10 minutes, puis il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est toujours accompagné d'une musique joyeuse qui tape sur les nerfs. Là. Puis c'est un film qui essaye vraiment trop d'être comique, puis qui réussit pas le trois quarts du temps. Les actrices font... Ben, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent avec le scénario, mais tu sais, c'est toutes des bonnes actrices. C'était vraiment un casting de rêve, là, tu sais, pour un film canadien. C'est vraiment un casting de rêve avec ces gens-là qui sont dans la crème de la crème du cinéma canadien et québécois. Tu sais, je pense qu'il y a juste Monique Mercure qui s'amuse vraiment beaucoup dans ce film-là parce que son personnage est une vieille folle en chaise roulante qui comprend rien. Elle est là dans la pièce originale, ce personnage-là était là aussi. Puis elle, ben, elle est malavenante, puis elle est chialeuse, puis ci, puis ça, puis elle comprend pas trop ce qui se passe autour d'elle, puis elle fait juste demander du Coca-Cola tout le temps. Fait que, mais là, elle s'amuse. T'sais. Monique Mercure a vraiment du fun. Sinon, les autres, tu vois qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux avec un meilleur script, mais ils deal avec ce qu'ils ont, puis c'est pas super bon. C'est ça, c'est une comédie. J'ai été déçu parce que ça aurait vraiment pu être meilleur. Puis Les Belles-Sœurs, la pièce, mérite une meilleure adaptation que ça. Tant qu'à moi, il faudrait adapter la comédie musicale, ça serait génial. Là, mais, la version qu'on peut trouver sur tout.tv est déjà très bonne, mais c'est pas un film. Là. C'est juste la pièce filmée, la comédie musicale filmée. Mais c'est ça, La Fortune de Géraldine, non. Tu sais, en plus, ils ont changé les noms, c'est ridicule parce que Germaine, ça peut exister en français ou en anglais. Tu sais, pourquoi son personnage est supposé être Germaine, c'est pas Géraldine. Marina Orsini est bonne. Tu sais, je la voyais très bien dans le personnage qu'elle joue. C'est comme la sœur mal aimée du groupe qui arrive de New York puis qui est comme celle qui a tout le temps amené le scandale avec elle. Là, tu sais, puis je trouve qu'elle est très bonne là-dedans. Mais encore là, ça aurait pu être 100 fois mieux. Fait que non, j'ai payé ça 3 piastres usagées sur Amazon avec 3 piastres de shipping. Fait que 7 et 3 et quelque chose. Fait que 7 dollars en tout. Puis ça vaut vraiment pas plus que ça. Puis je même recommande... là, c'est un peu cher, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je recommande pas l'achat. Même si vous voyez à 3 piastres dans une bin, achetez-les pas. C'est pas pour rien qu'on n'a jamais entendu parler. C'est pas pour rien que sur Internet, c'est très. Il n'y a même pas de trailer de ce film-là. Il n'y a rien de. Tu peux, il n'y a même pas de trailer. Non, il n'y en a pas sur le DVD, puis il n'y en a pas sur YouTube, il n'y en a pas nulle part. Ils n'ont même pas voulu promouvoir le film tellement qu'ils n'ont pas aimé ça. Ah non, c'est ça. Je ne sais pas si ça a été présenté genre au TIFF ou au Festival des films du monde ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si quel genre de vie ça l'a eu en salle, mais je peux pratiquement rien trouver sur ce film-là, mais c'est, je comprends pourquoi. Après l'avoir vu, moi et ma blonde, on l'a écouté hier soir, puis on s'est moqué du film tout le long, fait qu'on a eu du fun, on a ri, mais pour les mauvaises raisons. Ouais, pour les mauvaises raisons. Fait que non, La Fortune de Géraldine, vraiment pas conseillé. J'aime ça quand tu parles de films de même que t'as pas aimé ou que t'as été déçu. C'est drôle. On dirait qu'à soir, ça s'enchaîne pour être juste ça. Je sais pas si les autres que tu vas parler par la suite sont mieux, mais... Tu verras. OK. Moi, j'ai fait une découverte d'un vieux film. Je me suis rendu compte que je parlais tout le temps juste des nouveautés en tant que tel, des time out. Fait que là, j'ai découvert un vieux film que j'avais jamais vu. J'ai reçu le Blu-ray. Et c'est Rebel Jax. Et c'est un film de Stuart Gordon que j'avais jamais vu. Ça a été fait par, ça a été produit par Charles Band pour la compagnie Full Moon, évidemment, parce que Stuart Gordon a fait beaucoup de films pour la Full Moon au bout du compte. Yes, que Jeffrey Combs fait un caméo là-dedans. Oui. Jeffrey Combs, c'est le Bruce Campbell de Stuart Gordon. Oui, vraiment. Puis là-dedans, il joue comme une minute, puis tu regardes comme il faut. Là. Il a l'air d'un clochard avec une barbe et une tuque. Là. Mais puis il est très jeune aussi là-dedans. Fait que. T'as quelle année, ça? Celui-là, c'est 90. Ah, ben c'est après Réanimateur quand même. Là. Mais il a l'air plus jeune que dans Réanimateur, c'est bizarre. Okay. Puis je pense même qu'il y avait un caméo de Barbara Crampton, mais je suis plus certain pour ça. Mais bon. Robot Jux, l'histoire est vraiment simple. Hein. Ça fait juste se passer dans un monde futuriste, un peu apocalyptique, où que... le gouvernement, si on peut le dire comme ça, règle leurs débats et leurs choses à travers de combats entre deux robots. Une team et un autre team, ben, ils se font des combats dans un gros robot. Puis c'est ça. T'sais, je veux dire, le titre s'appelle Robot Jux. Tu écoutes ça parce que tu veux voir des gros robots se taper sa gueule. C'est ça le but. Et c'est un excellent film de robots qui se tape sa gueule, mais qui, grâce à Stuart Gordon, qui est derrière la caméra, élève un peu la production et la qualité du film, parce que j'ai vu d'autres films de combats de robots de Full Moon, puis souvent, ça laisse à désirer, c'est vraiment pas extraordinaire, mais celui-là, il a vraiment bien vieilli, puis les effets, même si tu as du image par image, qui est de très bonne qualité, ou tu as des effets miniatures, mais la manière que Stuart Gordon les met en scène, ça fonctionne, c'est réussi. Par moment, tu as vraiment l'impression que le personnage est à côté d'un robot géant puis de le pied gigantesque. Mais ce qui m'a vraiment le plus frappé lorsque j'ai écouté ce film-là, c'est à quel point Guillermo del Toro s'est inspiré de ce film-là pour faire son Pacific Rim, pour comment les robots fonctionnent. Je parle pas forcément avec le truc neurologique, ça marche avec les émotions du cerveau, des souvenirs. Mais que le personnage est dans le robot, il faut qu'il interagisse, il faut qu'il marche avec ses pieds pour que le robot avance. Tu as beaucoup d'éléments qui rappellent beaucoup Pacific Rim. Puis moi, je l'ai dit, j'adore Pacific Rim, malgré un scénario hyper cliché puis vraiment rien d'extraordinaire. On s'en fout, je veux dire, on allait voir Pacific Rim pour voir des robots frapper des monstres, puis c'est ce que j'ai eu. J'ai eu du plaisir comme un enfant au cinéma, puis Rebel Jux offre le même genre de divertissement. Le scénario est très simple, mais les personnages sont agréables à suivre, puis les combats de robots sont le fun. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec cette petite production-là. C'est pas le meilleur film de Stuart Gordon. Ça, évidemment, ça va rester les adaptations d'H.P. Lovecraft, ses meilleurs films. Dagon, From Beyond. Mais je trouve que c'est un réalisateur qui arrive à diversifier sa filmographie. Je trouve ça intéressant. T'sais, là, il nous offre un film de robots de science-fiction d'action vraiment efficace, bien emballé, comme il nous offre des films d'horreur avec Jeffrey Combs, comme il nous offre des bons trailers, si je ne me trompe pas du titre, je pense que c'est Stock ou Stalker, avec Mina Sorvino ou Mina Sorvino. Sorvino, le gars qui rentre dans un clochard par accident avec sa voiture, puis qui va le laisser dans son pare-brise, dans son garage, puis tout le film se déroule avec ça. C'est un méchant bon trailer avec un méchant bon scénario, puis Stuart Gordon n'arrête pas de m'impressionner. Même son Edmond avec l'acteur de Fargo, que lui aussi j'oublie tout le temps son nom, je ne suis pas bon avec les noms d'acteurs, qui était vraiment un bon film, un bon trailer noir également. Fait que non, Robot Jux, si vous aimez les robots, puis surtout si vous avez aimé Pacific Rim, ben, je vous le recommande fortement. C'est un bon divertissement popcorn qu'on met son cerveau à off, puis on s'amuse à regarder les robots se taper sa gueule. Puis tu sais, sais, je connais Full Moon pour avoir vu quelques films. Mm-hmm. Je connais un peu le genre d'effets spéciaux qu'il y avait. C'est du stop motion ou c'est... Stop motion, puis des maquettes un peu miniatures qui bougent de manière normale, si on veut. OK, OK. En gros, c'est pas ça, mais il y a beaucoup de stop motion, mais c'est quand même du bon stop motion. Il y en a que c'est trop saccadé, vu qu'ils ont sans doute bougé trop rapidement les mouvements. Mais dans celui-là, c'est quand même assez bien fluide. Il y a eu un bon travail. Là. OK. Parfait. OK, bon, on va vraiment... Moi aussi, j'ai vu un vieux film, mais on va dans plus vieux encore. Petit préambule avant que j'en parle. J'écoute un podcast ces temps-ci qui s'appelle « You Must Remember This », qui est un podcast sur le cinéma des années 20, 30, et qui raconte, dans le fond, les secrets et les histoires moins connues de Hollywood, de MGM, de ces grands studios-là. Et récemment, dans un épisode... C'est une animatrice qui parle, puis c'est elle qui parle tout le long, c'est elle qui écrit ses propres textes et tout ça. Elle a mentionné un film qui m'intéressait d'un réalisateur qui s'appelle King Vidor. Puis elle a dit un de ses plus grands films, c'est The Crowd, de 1927. Et j'ai réussi à trouver une copie du film. Et dans le fond, The Crowd, c'est un des films les plus... 1928, désolé. Un des films les plus importants de cette année-là et de la décennie des années 20. L'histoire assez simple, en fait, d'un homme qui est né le jour de l'indépendance, donc le 4 juillet de 1900, au tournant du siècle, donc, et qui son père va décéder quand il est genre, quand il a 11-12 ans, puis son père lui avait dit qu'il allait réussir dans la vie, qu'il était dû pour des grandes choses et tout ça. Fait que lui, il part dans la vie avec cette idée-là qui est dû pour qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire un jour. Puis, ben, ça, il va arriver dans la grande ville à un moment donné, à New York, au début des années 20. Puis, il va essayer de se faire une place dans une business, mais une business très impersonnelle, un bureau, là, tu sais, ce que tu vois, des milliers de gens, des milliers d'hommes qui travaillent tous au même type de bureau, comme un peu comme une classe avec plein de pupitres, mais c'est des bureaux de travail. Puis, les gens travaillent là, puis il y a une grosse horloge, puis c'est vraiment super impersonnel. Puis, l'idée, en gros, du film, c'est que le gars ne peut jamais vraiment échapper aux gens, il ne peut jamais vraiment échapper à cette fameuse crowd du titre, cette fameuse foule dans la grande ville et nulle part ailleurs. En fait, même dans sa vie personnelle, éventuellement, il va se faire une blonde qui va devenir sa femme, ils vont avoir un appartement. Puis même dans l'appartement, il est super crowdé, l'appartement il est tout petit. Il n'y a jamais de place pour lui tout seul pour être intime, même pas dans la salle de bain, parce qu'il se rase, on le voit se raser, mener la porte ouverte, c'est ça, comment la vie de la grande ville peut être oppressante, c'est un peu ça le but du film. Puis, lui, il pense tout le temps que ça va s'améliorer, qu'il va monter les échelons, tout ça, mais il se passe jamais rien de bon dans sa vie. Au contraire, il se passe plein d'affaires mauvaises. Puis le gars, ben, c'est un éternel optimiste, tout ça, mais ça va être sa vie, ça va être un paquet d'embûches et tout ça. Puis, mais c'est vraiment très intéressant pour voir la vie dans les années 20, premièrement, pour voir la vie à New York dans les années 20. Puis c'est tous les shots qui sont donnés à New York, c'est sur place, c'est dans la foule, tu vois des vrais shots de foule. Puis c'est vraiment trippant de voir ça pour l'aspect historique de la chose. Puis c'est quand même bien acté, là, tu sais, c'est du jeu des années, du jeu de film muet. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est pas des acteurs que je connais. L'acteur principal s'appelle James Murray, je le connaissais pas. Puis l'actrice s'appelle Eleanor Boardman, celle qui fait sa femme. C'est pas mal les deux acteurs principaux. Mais je le recommanderais très fortement. Ça a une haute cote sur IMDb, là, c'est 7.9. C'est un film très connu dans l'histoire du cinéma. Je le connaissais pas, mais c'est apparemment un film très connu et très apprécié. Puis non, ça a été une grosse surprise. J'ai regardé ça genre à 11h le soir. Là, ma blonde a dormi à côté de moi. On venait juste d'écouter un film, je sais plus trop lequel. Puis j'ai comme dit, bon, je vais commencer, voir, puis on verra. Puis le film m'est fini à minuit et demi, puis j'étais accroché dessus, j'étais pas... d'habitude, je m'endors, tu sais, vous le voyez, là, je barre depuis tantôt, mais d'habitude, je m'endors pas mal plus tôt que ça, mais non, j'étais vraiment accro au film, puis c'est vraiment touchant, puis poignant, puis drôle des fois, puis juste pour l'aspect historique, puis le côté un peu technique de pouvoir tourner dans les rues et tout ça à travers la foule, tu sais, à cette époque-là, c'était pas banal, fait que... C'est vraiment intéressant pour ça. Fait que je recommande très fortement The Crowd, si vous pouvez le trouver, ça vaut la peine. Criterion? Que ton édition? Non, c'était un DVD de la bibliothèque, mais je n'ai pas remarqué la compagnie. Je ne fais pas attention vraiment des fois à ça. Mais, C'était surtout je, savoir. Si ça a été Criterion, je l'ai remarqué, mais. OK, non. Parce que si souvent, quand c'est distribué par Criterion, c'est qu'on a, on va avoir de la misère à le trouver dans une autre édition, fait qu'on n'a pas le choix de se procurer celle-ci. Là. C'est surtout ça. Non, c'est ça. J'essaierai de trouver un lien sur Amazon ou quelque chose. OK, cool. Moi, ça va être mon dernier film. Ça a été une belle découverte. J'ai écouté Lost River. C'est la première réalisation de Ryan Gosling. Oh. C'est un film qui a été qui a été montré au Festival de Cannes. Je pense que c'était l'année dernière ou cette année peut-être. Il vient de sortir en DVD ici. Et le film s'est fait ramasser, s'est fait bâcher. Mais en même temps, je trouve que le Festival de Cannes, dès qu'il y a un acteur qui tente de faire ses débuts à la réalisation, je trouve qu'ils sont pétés de brou, puis ils vont rapidement cracher là-dessus. Puis c'est pas Ryan Gosling, je pense pas que ce soit le premier, en tout cas. Puis à la vue, avant de voir le film, moi j'avais peur que ça soit trop abstrait comme film. Je m'attendais à ce que ça soit comme Beyond the Black Rainbow, tu sais, que ça soit un scénario vraiment un peu confus, tu comprends pas trop ce qui arrive, puis que le tout se base sur le visuel, parce que je veux pas Ryan Gosling a réalisé deux films avec le Nicolas Rinch, je mentionne son nom, mais c'est lui qui a fait Drive puis Only God Forgive. Puis Only God Forgive est un peu ce genre de film-là, mais quand t'es habitué au réalisateur, c'est pas nouveau. Puis tu vois que Ryan Gosling s'est beaucoup influencé de ça. Quand tu voyais le trailer de Lost River, il y a beaucoup de jeux de lumière dans son visuel, puis un côté très années 80 qui me faisait penser à ça. Puis comme, hein, je pense qu'il va beaucoup s'inspirer de ça pour son film. Et pas tant que ça. J'ai été très agréablement surpris, premièrement, par son scénario, parce que si c'est quand même un petit peu flou sur certains aspects, c'est un scénario cohérent qui est agréable à suivre, puis qu'on suit l'évolution des personnages. C'est quand même une histoire. Il y a quelque chose à suivre, une base qu'on connaît bien. Et on va suivre une petite famille. C'est une mère et ses deux enfants, dont un qui va avoir grandi dans une maison. Et l'intro du film, ça va être toute son enfance. Puis la manière que c'est filmé, c'est vraiment comme une réalisation à la Terrence Malick. Ça fait une genre de caméra qui fait juste capter les instants d'une vie, les beaux instants d'une vie. Ça me faisait beaucoup penser à The Tree of Life, l'intro. J'étais comme, oh, belle intro. Puis je trouvais que déjà là, Gosling montrait un grand savoir-faire derrière la caméra. Puis on va voir toute l'enfance de cet enfant-là, les beaux moments qu'il a eu. Et ensuite, on va revenir au moment présent avec sa mère. Et on se rend compte qu'il vit... Il vit dans la même maison, mais que le quartier a changé, que pratiquement... C'est que pratiquement inhabité, il n'y a plus personne qui vit dans les maisons, tout a été démoli. On n'est pas trop certain en quelle année le film se passe. Ça a un aspect très intemporel. On n'a aucune idée vraiment à quelle période c'est futuriste, parce que c'est très étrange la manière que les choses arrivent dans le quartier. Ils sont une des rares familles à vivre encore dans une des maisons qui est là. Et sa mère tient vraiment à rester là parce que c'est là qu'elle a vécu les plus beaux moments de sa vie. Elle s'est beaucoup battue pour tout le temps garder cette maison-là. Elle a souvent été pauvre. Et malheureusement, elle doit beaucoup d'argent à la ville. Elle est sur le bord de perdre la maison. Puis elle essaie de trouver un moyen de garder la maison. Et elle va se trouver un emploi dans un cabaret bizarre. Ça s'appelle, je ne me rappelle plus le nom du cabaret, mais vous pouvez voir l'entrée du cabaret. La porte est comme faite en bouche. Puis c'est très inspiré du couvent dans Suspiria. Il y a beaucoup d'éléments visuels qui fait penser à ça. Tu vois que Ryan Gosling aime beaucoup le cinéma d'horreur. Et tout cet aspect-là du film est tellement intéressant parce qu'elle va prendre ce job-là. Puis c'est un cabaret macabre. C'est là que Eva Mendes travaille. Et c'est comme un cabaret où le monde va là pour voir des spectacles gore du monde qui se font poignarder, qui s'amusent à se découper le visage pour s'enlever la peau du visage. C'est vraiment comme c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est vraiment intéressant. Je trouve qu'il y a vraiment de quoi de comment je pourrais dire d'attirant là-dedans, cet univers-là que Ryan Gosling nous offre. Je trouve que ça colle à lui parce que je connais bien aussi sa carrière musicale, son groupe qui est beaucoup inspiré de films d'horreur, d'une ambiance très gothique. Et ouais, tout... Dead Man's Bone. Dead Man's Bone. Puis je trouve que le cabaret représente justement Ryan Gosling. Ça a son propre style. Fait que toutes les scènes avec sa mère dans ce cabaret-là sont vraiment fantastiques. Puis Eva Mendes est incroyable là-dedans. Il y a des numéros vraiment... réussis visuellement, sont beaux, puis il arrive vraiment des trucs incroyables. Et entre-temps, on suit l'autre intrigue qui est avec le fils de la mère qui, lui, tente aussi, si on veut, de trouver un moyen de faire de l'argent pour garder la maison. Et il garde une relation avec une des rares voisines qui habite encore dans le coin, qui est une jeune adolescente. Il va se lier d'amitié avec elle et il veut pas être un peu amoureux d'elle. Puis elle vit avec sa mère qui vit 24 heures sur 24 dans le salon, devant une télévision, à regarder tout le temps la même cassette de son mari qui est décédé depuis plusieurs années, puis est tout le temps habillée avec ses habits lorsqu'elle est allée au centre funéraire, puis son salon est barricadé, est tout le temps dans le noir, puis sa fille, elle garantit qu'elle a eu un sort, il y a un sort qui a été jeté sur elle, puis que ça a créé une malédiction sur tout le quartier, puis qu'il y a un seul moyen pour que sa mère soit délivrée de ça, puis que l'autre personnage ne perd pas la maison avec sa mère, c'est d'aller dans un endroit qui s'appelle Lost River, où que c'est une ancienne ville qui a été ensevelie par les eaux. Puis il faut aller chercher un morceau, une pièce qui a rapport dans cette ville-là, la sortir puis l'amener à cet endroit-là pour que la malédiction disparaisse. Ça a vraiment un côté très conte de fées, le film moderne, un conte de fées moderne. Tout le long du film, il y a un côté très de même, très magique qui vague sur Lost River. J'ai beaucoup aimé, honnêtement, là, j'ai trouvé que les images, le visuel qui fait très années 80, le soundtrack est très réussi. Puis ça tente pas d'être nostalgique, de jouer là-dessus, de dire « moi, je vais faire mettre de la musique synthétiseur puis mettre un côté rétro dans mes images parce que c'est hot puis c'est la mode en ce moment. » Non, c'est parce que Ryan Gosling avait de quoi dans sa tête, un imaginaire qu'il voulait créer, puis il l'a fait. Puis c'est jamais de trop ou forcé. Et comme je dis, toutes les scènes dans le cabaret sont formidables visuellement et sont vraiment intéressantes. C'est pas un film parfait. Il y a des petites lacunes, peut-être justement au niveau scénario. Il y a quelques petites intrigues qui n'ont pas vraiment de dénouement puis qui restent confus. Mais à la base, j'ai beaucoup aimé les personnages puis j'ai beaucoup aimé l'univers que Ryan Gosling nous offre avec ce film-là. C'est vraiment une très bonne première réalisation puis un très bon film. Je comprends zéro pourquoi Cannes ont bâché là-dessus. Là, je trouve que c'est vraiment gratuit, mais je vous le recommande fortement. C'est vraiment une petite merveille que j'ai découvert là. Puis je pensais pas aimer ça tant que ça, là, honnêtement. Là. Puis ben je pense cool. qu'il est sur Netflix. Fait que vous pouvez aller vérifier. Ah oui? Ouais. J'ai pas vu, mais peut-être. Moi, j'ai pas fait attention bien, mais. Sinon, il est facilement trouvable dans les clubs vidéo ou même les Walmart. Là. Vous pouvez le trouver pour 9,99. Là. Ça vaut la peine. D'accord. Je pense que j'ai plus vraiment de films, mais j'avais une autre affaire dont je voulais parler, parce que l'année dernière, j'ai parlé sur Horror Gamer, je crois, que j'avais commencé une série, une vieille série que je voulais absolument finir, et aujourd'hui, ça vient d'être fini. Et c'est, tu l'as dit, Bouffy, c'est... Ma sorcière bien-aimée de Bewitch! Eh oui, mon fameux coffret de 8 saisons. Et j'ai terminé la 8e saison. Je suis courageux parce que la dernière saison, c'est plate. Et c'est dommage. Parce que Ma sorcière bien-aimée, ça peut avoir l'air quétaine de l'extérieur. Mais quand tu recommences les premières saisons, les deux, trois premières saisons, surtout la première de toutes, c'est consacré au couple. Qui est, tu sais, le fait que tu sois une sorcière, c'est une métaphore un peu pour les couples mixtes entre, mettons, un homme blanc et une femme noire, quelque chose comme ça. T'sais. Une femme qui est... différente des autres, puis elle a une famille très différente, puis lui, ben, il faut qu'il deal avec ça. Fait que c'est un peu ça la prémisse de base, puis les premières saisons sont vraiment le fun parce qu'ils mettent beaucoup d'accent sur le couple, puis sur cette relation-là, ils parlent beaucoup de racisme, de féminisme et de trucs comme ça. La dernière, ben, tu sais, au fil des temps, au fil des saisons, ils vont vraiment, les producteurs de la série vont... pas les producteurs, mais les diffuseurs, je pense que c'est ABC qui diffusait ça, qui a demandé que la série porte plus sur les effets spéciaux et sur la magie, moins sur le couple. Puis ça a un peu tué un peu la série à petit feu, parce que rendu à la 8e saison, tout le monde manque d'énergie. Premièrement, Elizabeth Montgomery, l'actrice principale, ça y tente plus pantoute d'être là, la 8e saison. Ça faisait déjà une couple de saisons qu'elle voulait sortir de son contrat. J'ai lu sa biographie. Puis c'est ça, ça faisait une couple de saisons qu'elle voulait sortir de son contrat, voulait briser le contrat, mais elle n'a pas pu. La 8e saison, gros changement, elle décide de ne pas porter de brassière sous ses costumes, comme protestation parce qu'elle n'a vraiment plus envie d'être là. Ce n'est pas des farces. Elle fait des faces puis des roulements de yeux à tout bout de champ dans la série, dans la saison. Elle n'a aucune envie de dire ses répliques, mais elle les dit de manière mécanique et sans aucune passion. Tandis que dans les autres saisons, elle est vivante, elle est le fun, elle joue toujours le jeu. Tandis que dans la huitième saison, non, pas en tout, elle ne veut rien savoir. Puis, il y a des effets spéciaux de marde, là. Le moment donné, t'as un épisode avec le monstre du Loch Ness, mais c'est un monstre fait par un enfant de 5 ans avec des bouts de carton, puis de papier, puis d'affaires qui sont mal collés ensemble, puis il y a des gros yeux, là. Je sais pas, puis c'est dégueulasse. Puis, ils ont recyclé, surtout le gros problème de cette saison-là, c'est qu'ils ont recyclé des scénarios des autres saisons. Dans les 2-3 premières saisons, ils ont été pigés des scénarios, puis ils ont juste transposé avec exactement souvent les mêmes répliques, les mêmes situations, mais juste changé quelques personnages ici et là. C'est dégueulasse comme 8e saison. C'est juste plate que cette série-là soit terminée comme ça. Puis ben, ça, je m'y attendais, mais c'est le genre de série qui n'a pas de fin. Parce que c'est le genre de série à l'époque qui était faite pour ne pas avoir de fin, pour être diffusée, tu sais, ad nauseam, à l'infini, sans que tu aies besoin de suivre quoi que ce soit. Tu fais juste connaître la situation de base, puis tu peux pogner n'importe quel épisode de n'importe quelle saison, puis suivre. Fait que, tu sais, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de dénouement, il n'y a pas personne qui va apprendre à la fin que c'est une sorcière, puis... Fait que c'est ça, tu sais, puis c'est juste plate, là, tu sais, parce qu'il n'y a plus personne qui est intéressé. Fait que c'est ça qui m'a pris du temps, c'est d'écouter la 8e saison, parce que je l'ai commencé, je crois... en septembre ou au mois d'août. Puis les autres saisons m'ont pas pris de temps à écouter vraiment, tu sais, certaines plus que d'autres, mais en tout cas, en général, j'essaie d'écouter ça assez régulièrement. Puis la 8e, ça a vraiment pris du temps. Puis là, j'ai terminé, puis je vais peut-être me lancer dans d'autres choses, une autre série de... Je vais peut-être continuer les Full House, en fait, pour une autre série d'une demi-heure, là, des petites séries sitcom comme ça. J'avais déjà entrepris de reprendre Full House, puis je pense que ça va être ça que je vais continuer, parce que ça fait quelques semaines que j'ai arrêté. Je pensais que tu allais dire que maintenant, je vais m'attaquer au film. Ben, il y a ça. Je l'ai déjà vu, le film, il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. Fait, je pense que je vais essayer de le revoir. Je sais que c'est mauvais, mais je suis curieux de le revoir maintenant que j'ai vu la série, puis je vais connaître vraiment toutes les petites références. Ouais. Puis, je suis juste content, en tant que fan de ça, de pouvoir dire que dans ma vie, j'ai vu tous les épisodes de Ma sorcière bien-aimée sans aucune exception. Mais je ne recommande pas la 8e saison. Par contre, si vous avez l'occasion, si vous aimez ça, ce coffret-là, je l'ai pogné, on l'a pogné genre à 20$ chez Walmart. Là, ouais, c'est pas cher. Pour toutes les 8 saisons, là, c'est vraiment pas cher. C'était au Saguenay. Normalement, je pense qu'il vaut 50 ou 60$, mais c'était au Saguenay, puis ça ne se vendait pas. Fait qu'eux autres, ils ont baissé le prix le plus possible. C'était 19 ou 20$. Vu qu'il n'y a personne qui achète de coffret en anglais là-bas. Il fallait bien que JF passe dans le coin et qu'il fasse « Hey, un coffret de Bewitch à 20$! » Fait que, ben voilà, c'est ça. Je pense que c'est mon dernier titre. Ouais, je pense que oui. Moi aussi. Sinon, ben je continue d'écouter plein de séries, mais on ne commencera pas à rentrer dans tout ça. Mais Homeland, c'est super bon cette saison-ci. Pour l'instant, là, j'aime vraiment ça. J'ai acheté la saison 1 qui est encore emballée. Fait que c'est dans mes projets futurs qui peuvent être dans 8 ans, me connaissant. Mais... As-tu continué Twin Peaks? Non, même pas encore. Faudrait, là. J'oublie aussi. Puis là, je vais éviter de me fâcher contre Sylvain qui, dans le dernier épisode du dernier podcast sur la gauche, c'est un vieil épisode qu'ils ont enregistré, je pense, au printemps dernier. Mais peu importe, il a avoué ne pas être capable d'écouter la série, j'ai jamais réussi à la finir. Pourtant, il adore le film. Et moi, tu sais, je comprends là, qu'on peut aimer le film, mais c'est justement la raison pour laquelle il n'aime pas... S'ils aiment un plus que l'autre, c'est qu'ils sont tellement différents. Je peux comprendre, là, mais en même temps... Pourtant, s'il y a quelqu'un qui devrait aimer ça, c'est bien Sylvain. C'est tellement un gros soap, Twin Peaks. C'est tellement le fun, c'est tellement jouissif, c'est tellement trippant. D'un épisode à l'autre, tu restes accroché. Tu veux juste en savoir plus tout le temps. Puis c'est... En tout cas, c'est tellement le fun quand tu t'embarques. Quand tu fais vraiment la job sérieuse de vouloir embarquer dedans, et pas juste le regarder de manière pas attentive. Il faut vraiment que tu t'imprègnes de ça, mais c'est tellement jouissif, puis des fois, c'est tellement niaiseux, tellement ridicule, puis c'est rempli d'humour, là, c'est tellement le fun. Là. Juste pour le personnage de David Duchovny, ça vaut la peine, mais pour plein d'autres choses aussi, ça vaut la peine. Puis non, sérieux, Sylvain, réessaye, puis toi aussi, Steven. Non, ben moi, je veux la continuer, puis j'étais déjà intrigué dès le début. J'avais beaucoup aimé, là, fait que c'est sûr, je vais l'écouter, surtout avant que la troisième sorte, là. Je vais m'arranger pour la terminer avant pour pouvoir la commencer, là. Oui. Sinon, qu'y avait-il d'autre chose? Ben, c'est ça, juste parler 2 petites secondes du site internet. J'ai rajouté 2-3 petites affaires différentes sur le site, là, comme un lien pour un site qui s'appelle Stitcher, qui est comme un genre de regroupement de podcasts, genre de c'est une application sur le téléphone aussi, ce que vous pouvez downloader puis retrouver différents podcasts anglophones et francophones et tout ça. Je nous ai rajouté là-dessus. C'est en écoutant un podcast québécois qui parlait des podcasts et tout ça, puis des solutions pour les faire connaître et tout ça, que j'ai connu Stitcher, fait que je me suis dit que ça serait une bonne solution. On est sur SoundCloud aussi. Quand vous allez sur la page d'accueil du Bras de fer des films, vous trouvez le lien SoundCloud. Fait que tout le temps, le plus récent épisode va tout le temps être là-dessus. J'en mets pas plus parce qu'il faut faut payer, tu sais, faut un abonnement à SoundCloud, puis ça me tente pas de commencer à rentrer là-dedans. On a déjà notre site internet avec toutes nos archives, tout est là. Fait que c'est juste un truc de plus pour le plus récent épisode. Ça fait un beau lecteur et tout ça, fait je trouvais ça le fun. Ouais. Sinon, ben c'est ça, il y a des liens, genre. Là, c'est ça, j'avais peur de que ça fasse arrogant ou quoi que ce soit, mais tu sais, il y a des liens PayPal et Patreon. C'est juste pour les gens qui veulent encourager le podcast, genre mettre 50 cents, 1 $, peu importe, tu sais, comme pour nous encourager, pour nous dire qu'on fait une job intéressante, qu'on n'est pas trop plate et juste. Ça peut aider à payer certains trucs par rapport au podcast, comme un peu mettre ça dans l'hébergement ou dans une webcam ou peu importe, n'importe quoi. Il n'y a pas grande dépense en fait reliée au podcast à part l'hébergement, mais si on ne sait jamais. Ça peut payer un billet de cinéma aussi. Mais c'est juste pour montrer votre appréciation. Sinon, ben c'est pas grave. Le podcast, c'est toujours gratis. Mais si vous en avez l'occasion, c'est apprécié et c'est vraiment pas obligatoire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport aux autres ajouts? Il y a ça, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Merde, j'ai oublié. Ça va. Enfin, en tout cas, là, c'est moi qui boy. Pas parce que t'es plate, mais. Non, j'ai oublié, ça va me revenir peut-être. Sinon, ben, veux-tu nous parler du prochain épisode régulier pendant que je réfléchis à qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais beaucoup envie de faire cet épisode-là parce que je trouvais que c'était 2 films qui se reliaient. Ce qui me faisait douter un petit peu, c'est que le film que j'ai choisi pour le Nanar Navet, c'est que c'est pas vraiment considéré comme un Nanar Navet. Fait que j'ai décidé de sortir un peu du concept. Quoique le film, même si ça a été un gros succès, c'est pas le film le mieux noté non plus, fait que tu sais, j'abuse pas. Mais pour le classique, j'y allais avec le film coréen Miss Granny, que j'ai jamais vu, fait que je trouvais que c'était une belle occasion de le voir. Puis j'aimais l'idée, le concept, parce que ça va vous dire à peu près le concept, mais que je vous dise l'autre film, qui va être en phase de Freaky Friday, avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan. Fait que pour ceux qui sauraient pas c'est quoi, c'est une mère qui va, durant une journée ou je ne sais plus trop quand, s'échanger de corps avec sa fille. Elle va se retrouver dans le corps de sa fille, là aussi. Et Miss Granny, c'est une vieille dame qui va se retrouver dans un salon de photographe et qui, par magie ou je ne sais pas trop comment, après avoir pris une photo, elle va retrouver sa jeunesse, elle va retomber à 20 ans. Et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le film. Le film a été très réputé. C'est pour ça que je le mets dans la section classique. Ça a été un des plus gros succès coréens dans les dernières années. Fait que j'avais vraiment hâte de le voir. Puis je trouvais que c'était des films qui fitaient dans les goûts de JF. Je me disais qu'il y aurait beaucoup de plaisir à découvrir ces 2 films-là. Fait que c'est ça les 2. Curieux. Tous les 2 sur Netflix, pour ceux qui veulent les voir. Mais je suis curieux. Je n'ai pas vu ni l'un ni l'autre. Je n'ai jamais vu Freaky Friday. À l'époque, ça ne m'attirait pas. S'il y avait un Freaky Friday que j'aurais pu voir, celui que Jodie Foster a dit 70, puis lui non plus, je ne l'ai jamais vu. Ça m'attirait plus, mais je ne l'ai pas vu non plus. Mais non, je suis curieux de voir. Fait que, peut-être que je vais le regarder aussi, celui des 70. Comment on pourrait appeler ça, cet épisode-là? Ben, tu sais, de toute façon, je ne lui donne plus de titre, vraiment. Mais, je fais juste marquer épisode. C'est les 2 titres versus. Le premier titre versus le 2e titre. Mais je ne sais pas, dans le fond. Juste pour nous autres, pour le fun, je ne sais pas. Là. J'ai pas d'idée qui me vient en tête. Ben, je vais juste revenir 2 secondes pendant que j'y pense. C'est ça. Sur les différentes modifications que j'ai faites au site, c'est ça. Il y a des. Ah, c'est ça que je voulais dire. Si vous cliquez sur les bannières d'Amazon, c'est ça, puis vous d'Amazon.ca, puis qui sont sur le site, puis vous faites des achats, ça donne un petit pourcentage aussi au droit de faire des films. Il y a déjà des gens qui l'ont fait je voulais juste vous remercier ceux qui l'ont fait. C'est anonyme, fait que j'ai aucune idée qui l'a fait, mais merci beaucoup. Et c'est ça, c'est pas des gros montants, mais c'est juste pour nous encourager et tout ça. C'est pas une question de faire de l'argent avec le podcast, mais c'est juste pour montrer une appréciation pour les heures qu'on met là-dedans, le temps, tout ça. Mais qu'on fait ça par plaisir, ça sera toujours gratis. J'ai changé un peu les lecteurs là, pour les nouveaux épisodes, les petits lecteurs audio, tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez ça, vous n'aimez pas ça. Je fais des changements, mais je ne sais pas vraiment si c'est apprécié. Fait que si vous avez des trucs à. Ben, moi, je t'apprécie, JF, tu fais une bonne job. Puis, ben, tu sais. D'habitude, je dis ça tout le temps en fin d'épisode, on n'a pas nécessairement terminé, mais je veux juste, pendant que j'y pense, aller sur iTunes, je suis tenant avec ça des fois, mais mettez des étoiles puis des commentaires, ça nous aide à être plus visible aussi. Fait que ça, c'est toujours très apprécié aussi. Puis on aime ça savoir qu'est-ce que vous pensez. Fait que si les films qu'on a parlé, les séries, tout ça, qu'on vient de parler ce soir, ou mettons, J'aime les hologrammes, des trucs dans nos épisodes réguliers, si des trucs comme ça vous allument, puis que vous les avez vus, puis vous voulez partager vos opinions, ben faites-le. Si vous êtes super encouragé, on est vraiment très parlable. On adore ça, les commentaires. C'est le fun de savoir ce que vous pensez des films. On mord pas, on n'est pas gênant, je pense. Fait que c'est ça. Moi, je suis plus gêné que vous pouvez le croire. Fait que c'est ça. Je pense pas être gênant nécessairement. Fait que c'est ça. On t'a parlé du prochain épisode. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Pas grand-chose. Allez sur horrorgamer.ca. On n'a pas d'épisode dans les dernières semaines, mais il y en a eu un. Il y a 2 semaines, je pense, l'épisode de Coalition avec Horreur Web. C'était nous deux, Sébastien, Vicky, plus 2 gars d'Horreur Web, donc Sylvain Desmenti et Dominique Paulus. Et c'était vraiment le fun. Puis c'est ça, moi, je vous invite toujours à aller réécouter nos épisodes de Gem parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le faire avec Sylvain et nos deux blondes, Chantal et Caroline. Et c'est dommage. Moi, j'ai hâte de revoir Jim en DVD. Je vais le revoir aussi. Hein? Tu seras pas tout seul. Tu sais, Chantal, elle l'a dit. Je m'inquiète pas. Je sais que lui, il va l'acheter. Mais si, c'est ça. Si vous avez écouté l'épisode de Jim puis que vous trouvez que cette idée-là d'aller voir des films au cinéma puis d'en revenir puis d'en parler puis de dire si c'est un vrai bon, si c'est un bon film ou un navet, ça reste un peu vaguement dans le concept du podcast, c'est de juste poser cette question-là. Si on voit des mauvais films des fois au cinéma, si ça vous plaît, bien, si vous voulez qu'on en fasse plus, dites-les, peut-être bien qu'on le fera. Sinon, ben tu sais, je veux pas non plus qu'on s'éparpille trop. Oups, désolé, j'ai touché mon micro. Très peu professionnel, qu'on ne veut pas qu'on s'éparpille trop non plus, que le podcast devienne trop de choses en même temps, mais t'sais, j'ai tout un million d'idées, j'essaie de penser à 3 millions de concepts en même temps des fois, puis j'aimerais ça faire plus de vidéos, j'aimerais ça faire, il y a tellement de trucs que je voudrais faire, en même temps, je ne veux pas qu'on s'éparpille trop puis qu'on s'éloigne trop de la formule, l'idée c'est classique versus navet, c'était ça qui était mon intérêt au début, là. Fait que j'aimerais que ça reste ça, t'sais. Fait que non, c'est ça, en gros, je pense que je vais arrêter de parler, là. Je rajoute. Avais-tu des choses à plugger? Non, pas vraiment. À part que le nouveau James Bond sort en fin de semaine, fait que moi j'ai hâte d'aller le voir. Puis qu'il y a aussi Scott Guide to Zombie Apocalypse. Que j'ai entendu dire que c'était très le fun et très gore. Puis c'était du gros plaisir à profusion, vulgaire, puis sale, puis qu'il fallait pas se casser la tête. Puis ça m'étonne pas que le film s'est fait un peu bâcher par les critiques professionnelles qui critiquaient un peu cet aspect-là immature, mais tu sais, de temps en temps, ça fait du bien un film de même, je trouve, que tu vas là pour avoir du fun, puis c'est de l'humour cabochon, mais tu sais, si l'humour cabochon est drôle, puis tu t'amuses, ben pour moi, ça me dérange pas, j'en veux, tu sais, c'est correct, là. Puis c'est un qui m'intéresse, là, je vais essayer d'aller le voir lui aussi. Fait que, sinon, à part de ça, j'ai rien en spécial, là. Puis derrière toi, tu as le Blu-ray de Final Girls que moi, je recommande à tout le monde. Tout le monde, oui, tout le monde. Que je vais réécouter très, très prochainement parce que c'est marrant, hein, ce film-là. Tu l'écoutes, puis tu sais, c'est pas un film parfait. Ça a ses défauts, mais tu as tout de suite envie de le revoir parce qu'il y a un effet de fun. Il y a vraiment un côté attachant, ce film-là, que tu as juste envie de l'aimer plus puis de le revoir. Puis... il y a tellement de bonnes choses puis de sincérité dans ce film-là que même ses défauts, c'est pas suffisant. Puis, je veux dire, il y a bien des classiques puis mes films favoris que j'aime qui sont loin d'être des films parfaits. Puis c'est pas obligé d'être tout le temps des films parfaits. Là, je veux dire, il y a mon top 10 cette année, là, il va en avoir peut-être la moitié qu'il n'y en a même pas là-dedans, peut-être que je mettrais 4 sur 5. Là, ça ne sera même pas tous des 5 sur 5, mais c'est des films que je mets en fonction de valeur de réécoute. Si c'est un film que j'ai écouté 10 fois dans l'année et que j'ai trippé, pour moi, c'est ça un vrai bon film, un film qui attire mon attention sans que ce soit parfait. C'est pas obligé d'être des grands chefs-d'œuvre de 5 sur 5 que tout est parfait, puis c'est donc parfait d'avoir des films de même. Là. Puis Final Girl, je trouve que c'est un bon exemple. C'est un film imparfait, mais qui, en même temps, nous marque plus que d'autres films. Fait que... Oui. C'est fait avec du cœur, avec amour. Puis, Mais tu sais, en même temps, c'est un réalisateur qui, plusieurs ont dit qu'il n'a pas l'air de... Il y en a qui disent que c'est un gars qui ne semble pas avoir vu de slasher, mais je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je pense qu'il ferait quand même référence au genre. Puis, sans être le plus grand connaisseur là-dedans, je pense qu'il a l'air de connaître. Il connaît les codes de base, puis ils utilisent dans le film. Fait que, pour moi, il a fait un bon job là-dedans. Là. Je pense que c'est quand même un amateur de slasher pour vouloir faire un film qui est centré là-dessus. Là, on s'entend. Si tu n'aimes pas les slashers, tu ne vas pas faire ça. T'sais, comme l'autre film à côté ici que je n'ai pas encore écouté, The Editor. Que j'ai vraiment hâte de voir, qui est un film sur le giallo. Je veux dire, si les gars font un film qui a rapport à ça, c'est sans doute qu'ils aiment ça et qu'ils ont connu ça. Fait que j'imagine que Final Girls, c'est un peu ça. À la grosse surprise de Final Girls, pour moi, en tout cas, c'était l'aspect dramatique. Sentimental. Ça m'a vraiment touché. La fille et la mère. C'est merveilleux. Puis la chanson. Betty Davis Eyes. Oui. C'est comme The Loved Ones, puis Am I Pretty Enough, puis c'est comme c'est des films qui sont reliés avec une chanson, là, comme Reservoir Dogs, puis Stuck in the Middle with You, puis des trucs comme ça. T'sais. C'est une chanson que tu regardes un film, puis la chanson, tu peux plus te sortir de la tête, là, ça veut dire que ça marche. Là. Puis le pire, c'est que moi, je la connaissais pas, cette chanson-là, je l'ai découvert avec le film, puis ça depuis que je l'ai entendu. Dès la première fois que tu l'entends dans l'auto, avec la mère qui chante, bang, elle tresse en tête, puis oublie ça, dès qu'elle revient dans le film, t'es faite. Je la connaissais, parce que c'était quand même un gros succès des années 80, je l'ai entendu souvent, mais là, je suis plus capable de je l'associe juste à ce film-là, cette heure. Puis toi, je sais que tu l'as déjà revu deux ou trois fois. Deux fois, puis tu l'as encore plus aimé la deuxième fois. Oui. Puis les bouts de sentimentaux me donnaient encore des frissons à chaque fois, là. Tu sais quoi, je pense que c'est peut-être ça aussi que le monde disait que le gars connaissait peut-être pas grand-chose au slasher, vu que c'est un peu l'aspect le moins réussi du film, puis que ça manque un peu de saveur au niveau des meurtres. Mais tu sais, je pense pas que ça soit à cause de ça pour autant que le gars ne se connaisse pas, c'est juste qu'il y avait d'autres points qu'il voulait plus se concentrer, puis que c'était pas son but principal forcément d'y aller dans le gore, puis faire des meurtres marquants, puis se concentrer sur le tueur qui est quand même assez secondaire au bout du compte. Puis, gars, moi, ça ne m'a pas dérangé pantoute. Mais tu sais, on chiale. Tu chiales, mais après, au fur et à mesure que tu parles des qualités et de qu'est-ce que tu mets, tu te rends compte que finalement, c'est pas si grave que ça. C'est pas un défaut majeur, honnêtement. Les gens chialent souvent quand on. Ben, chialent souvent quand on. Devant n'importe quel film, que les personnages souvent ne sont pas développés. Puis, c'est souvent un point qui revient souvent. Si je dis ce mot souvent. C'est ça, c'est un point qui est souvent soulevé, que les personnages ne sont pas développés. Dans ce film-là, ils sont. Dans ce film-là, tu t'intéresses à tout le monde, même s'ils sont caves, même si tout le monde a de l'importance, puis tout le monde a des belles qualités. Puis c'est pas des personnages à une dimension, c'est des personnages qui je dirais pas qu'ils sont vrais, parce que c'est... T'sais, il y en a la moitié là-dedans qui sont des personnages d'un faux film, t'sais, des personnages d'un film, fait que ils sont très stéréotypés. Même eux autres sont humains, ils ont des vraies peurs, des vraies ambitions, des vrais rêves, tout ça. Puis ceux qui sont nos personnages principaux, des petites gangs de vraies personnes, entre guillemets, ben eux aussi, t'sais, ils ont tout le... T'sais, moi, j'adore le rôle, le personnage de la bitch dans ce film-là, qui au début, tu regardes le film, ah, ça va être juste la bitch de service, l'ancienne blonde et tout ça. Mais Chris, elle a vraiment des émotions, puis elle a vraiment un... Tu sais, comme elle fait sa confession, elle m'a amené au personnage principal, puis tu fais, ah ouais, je m'attendais pas à ça de elle, de sa part, puis c'est super beau ce qu'elle dit, puis tout, puis je suis comme, OK, ça va dans des directions auxquelles je m'attendais pas en tout, hein, puis qui sont vraiment le fun. Une belle surprise, c'est ça qu'on dit. Oui. Ah, c'est ma plus grosse surprise de cette année, je pense. Qui est sorti justement maintenant en DVD Blu-ray, puis qui est partout dans les clubs vidéo, puisque le film a une traduction en français. Fait que si vous n'avez pas vu Final Girls, de Final Girls, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Final Girls, n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment du gros fun, puis des mouchoirs aussi. Oui. Fait que là-dessus, je pense qu'on va se laisser. Ouais. L'épisode régulier la semaine prochaine ou au plus tard dans 2 semaines, mais je pense qu'on va, on est assez bon, je pense, pour s'en tenir à la semaine prochaine. De toute façon, ouais. Ça va être confirmé éventuellement sur Facebook. Et sinon, ben là-dessus, bonne fin de soirée et bonne journée si vous nous écoutez le matin. Et peu importe quand vous nous écoutez, ben, on est heureux de vous avoir comme auditeur. Et je vais arrêter de radoter. Fait que bye bye. Bye bye.